Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Merci. Mais alors là, ça fait plaisir. Ouais. Bonjour. C'est rare hein, que les c'est rare que les invités suivent. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien, comment vas-tu? Adrien qui est auteur, qui est réalisateur, qui est comédien, mais qui est aussi curateur de dictionnaire. Quoi? Ça a été validé. Le mot gâté vient d'entrer dans le dictionnaire dans le petit Robert. On peut l'applaudir. C'est grâce à Adrien. Bravo. Adrien le Marseillais. Faut peut-être réexpliquer. Tu es la bonne mère pour moi. En gros, je suis auteur pour Hot Ones. Ok. Et pour le Hot Ones de SCH, j'avais dit ah, ça serait marrant qu'on fasse venir quelqu'un du petit Robert sur le plateau et pour essayer de trouver une définition de gâté, mais dans le sens marseillais, ouais, avec SCH, et dans l'espoir que ça rentre dans le dictionnaire. Et du coup, ça a été fait. Et du coup, j'apprends que c'est entré dans le dictionnaire. C'est validé. Ah, c'est validé putain, depuis ce matin. C'est grâce à moi. Enfin, voilà. Matin, on enregistre. Et voilà, gâté. Et dans le petit Robert, mon pauvre. Bah, je suis de bonne humeur, du coup. Je me sens gâté par la vie. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits jeux de mots. Ah là, tu là, peux... c'est pas un jeu de mots, vraiment. Ah, mais il y en aura énormément, t'inquiète pas. Oui, je sais. Il y en a moi, dès l'intro. Et les stand-upers qui se donnent un genre, j'aime pas les jeux de mots, ça m'énerve. Oh là. Ça attaque. Il a déjà regardé la fin de sa phrase. Là, t'es chez moi, là, Thévenard. T'es pas sur le terrain de basket, là. Là, je ferme ma gueule. Bah justement, notre premier invité est auteur et humoriste. Il jouera les dernières de son spectacle à Lille le 21 mai. À Lille le 21 mai. À Angers-les-Bains le 22. Caen le 24. Montpellier le 30. Et Paris le 7 juin. Avant de parcourir toute la France en 2026 pour son nouveau spectacle. T'enchaînes de fou. C'est t'as très allé bien. Manger mon Link Tree. Tu connais tout par cœur. J'y suis allé. Mais moi, je suis un taffeur. Il anime aussi le podcast Podcastos avec Urbain et Franjo, dans lequel il est un peu le Émeric Caron du trio. Le Gilles Verdez, même, on pourrait presque dire. À la différence que Pierre, lui, me nique à la baston très facilement, c'est Pierre Thévenoud. Ouais. Ouais, bravo. Allez. Je peux juste merci de m'accueillir. Je m'excuse pour le nom du podcast qui est un jeu de mots dégueulasse. Je suis contre, mais on est trois et ils sont deux contre un, Urbain et Franjo, et je trouve ça pathétique. Mais je suis ravi de faire ce podcast. Est-ce que tu t'es habitué ou ça te fait encore un tout petit peu mal quand c'est, ah non, quand ça me fait mal. Ah, il oui, y a voilà. Des gens qui viennent me dire ah, j'adore ton podcast, ça me fait plaisir. Podcast sauce. Ah. Quel dommage, ah, quel regret. T'es venu d'ailleurs, Adèle. Ouais, le père t'y est venu, ouais. Et Oh oui, ah, oui. Ah, moi je suis fan. Ça, voilà. Aïe aïe. Et Adrien n'est pas venu parce que il voulait pas être confronté à au néo-nazi de la bande. C'est faux. Oh là là, faut que je réexplique. T'es au chômage dans pas longtemps. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça vous intéressera toujours quand vous pourrez plus gratter le buzz du Floodcast. Bien sûr. Urbain, il m'a dit ça. Il m'a dit, hey, si t'es fort au Floodcast, après il te réinvite. J'ai dit, mec, il y a plus d'intérêt. Il a été fini. Je vais peut-être même faire des jeux de mots. Donc il a vraiment pas compris qu'on arrêtait. Mais on a un deuxième invité autour de la table. Et oui, puisque jusqu'au 17 juillet, il est auteur et humoriste également. Il joue tous les samedis à la Comédie de Paris, sauf un coup où c'est le vendredi et un autre où c'est le jeudi. C'est clairement le bordel. C'est plat. Putain, t'es une chèvre. Il faut savoir que son nom de famille est également une expression américaine utilisée pendant la guerre du Vietnam pour désigner les soldats tués lors d'embuscades. Oh. Et c'est vrai qu'avec lui, c'est vous qui serez mort. Mais de rire, Pierre. Oh. Et oui, Pierre. C'est Adèle Fugazi. Ouais, c'est moi. Attends, c'est quoi le truc, Fugazi? J'avais pas l'info de ça, frérot. J'ai la vérité. Pour moi, c'est une fausse pierre précieuse. Ah, mais peut-être aussi. Hein. Ouais, ça a plein de significations, je crois. C'est ça. Mais Fugazi, effectivement, c'était le. C'est un groupe aussi. C'est aussi un groupe, ouais. Le ska. Ouais, je sais pas. C'est un groupe de rap. C'est pas Fugazi. Ah oui, non, oui. Il y a Fugazi, mais il y a Fugazi qui est plus ton genre de musique. Il y a Full Nazi qui est plus dans le. Donc toi t'es que sur des jeux de mots. J'adore. C'est vrai que t'es un gars des jeux. Ouais, mais là c'est bilingue, c'est pas mal. Oui. Il y a un petit ouais, peu. Ouais. Là il a bossé. Ouais. Ah, le spectacle d'Adèle, il y a du jeu de mots. Là, il est très fort. Et de la chanson. Ça fait plaisir. Donc comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Ça fait plaisir. Vous connaissez un petit peu l'émission. C'est en gros des actualités un petit peu insolites. Vous pouvez poser un max de questions, il y a aucun problème. Savez-vous qui est Nell Wolfhard? Oui. Fin de jeu. Ciao. Alors tu joues le samedi. Non, je vais vous dire très vite fait. Sachez que contre 247$, elle propose un service. Nell, vraiment N-E-2-L-E. N-E-2-L, il n'y a pas de E, mais c'est. Mais tu l'as vraiment ou t'as fait, c'était une blague? Non, j'ai grave fait l'intéressant. Elle propose un service contre 247$. À votre avis, quel est ce service? Un service un peu de l'amitié. Insolite. Pas de l'amitié. Elle te donne un bout de ses cheveux. Non. C'est terrible que ma première réponse ait été c'est de l'amitié. Une présence. Non, mais si, c'est peut-être ça. Elle ramène les cheveux, peut-être. C'est un truc un peu cul, un peu sexe. Non, pas sexe, pas cul. Cela dit, ma première réponse, c'est amitié, et toi, c'est les cheveux. Donc, c'est vraiment les trucs qui nous travaillent, quoi. De la bouffe. Un burger. Elle réduit le nez, la taille du nez, non, je sais quoi, pas. Quoi, pardon, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? 244 euros, c'est pas non plus des sommes. Dollars, des dollars. 247 dollars, ce qui fait 217 euros, je vous le fais de tête. Hein. C'est aux États-Unis, du coup, que ça se passe. J'ai les pieds sur les deux continents. oui, c'est aux States. En Bitcoin, on est sur un 8. Très bien. Elle t'envoie une lettre. Non, l'amitié, t'as dit non. C'est un service, on est d'accord. C'est un vrai service. Allez, je vous donne un petit indice. Vas-y, Adrien. Non, j'allais demander, est-ce qu'elle vient chez toi pour le faire? Et j'allais te donner cet indice-là. Non, ça se passe au téléphone ou par Zoom ou par. Dire Skype, non, ça existe plus, mais. Elle t'insulte. Par FaceTime, non. Ouh là là. Non. Elle te laisse l'insulter. Non, pour non. Te plus. Pour te défouler de ton patron. Non, mais ça, ouais. Pas elle mal, se hein. déguise. Elle ne se déguise au téléphone, toi. En visio. Oui, ça pourrait marcher, ça pourrait marcher en visio. C'est comme le téléphone rouge, quoi. Qu'est-ce que tu portes? Bah, j'ai un costume de clown. C'est une chaussure trop grande. C'est pas du cul. Ce n'est pas du cul. C'est bien d'évacuer ça. Bah là, on a perdu la moitié des auditeurs. Non, mais. Ça va être. Plus tu donnes des indices, plus je me dis c'est du cul. Ouais, mais c'est bien qu'on l'ait pas dit dès le début pour pas être des gros porcs. Et après, on le dit. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux hommes ou c'est même aux femmes? Peu importe. Tu vois, il reste dans c'est du cul. On a du mal à faire le deuil aux adultes. C'est pas du cul. Aux adultes. Oui, c'est plutôt les adultes, mais je sais pas si ça va t'aider. Mais c'est plutôt destiné aux adultes. Ils te parlent si tes parents sont morts et tu dis bonjour mon fils. Ah non, ils sont passés pour tes parents, tu veux dire? Non, ce n'est pas ça. Ça, j'ai un numéro aussi, ça t'intéresse. Qui est le même numéro que le Père Noël. C'est fou à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'elle peut bien proposer? Est-ce que tu trouves ça creepy comme truc ou ça va? Non, non, pas tant. Un peu triste? Un peu, mais pas creepy. Mmh. Est-ce que ça a un rapport. Est-ce qu'Adrien pourrait composer ce numéro? Non, pas du tout. Non, si, pour le test, pour t'amuser, pour dire ah, ça, je serais curieux. Ok, j'ai essayé de te donner un indice qui pour moi est bon. Adrien pourrait l'utiliser, mais ça ne l'aiderait pas parce qu'il ferait pas ce qu'on lui dit. Ah, est-ce que c'est de l'hypnose par téléphone? C'est pas de l'hypnose par téléphone. C'est un truc à un rapport. Est-ce que c'est un peu ésotérique? Oui. Alors, pas, non, genre pas voyance, astrologie. C'est pas ésotérique, mais on est sur un truc d'aide pour aller mieux. Méditation? Pas méditation. Life coaching. C'est un life coaching par téléphone. C'est une sorte de life coaching, mais alors très précis. Justement, c'est un truc qui n'existe pas en fait. C'est pas psy. Elle lit dans ta voix, dans le son de ta voix. Les modulations. Oui, tu sais, comme les gens qui lisent dans les lignes de la main. Oui, alors non, c'est pas ça. Est-ce ou, la que c'est de genre ou la mère de Stallone. Elle te dit le trou de dans balle, les lignes de l'anus. Ouais. C'est un vrai c'est truc. Vrai, ça la mère de Sylvester Stallone lisait dans les trous du cul. Elle lisait bien en plus. Elle lisait vachement bien. Elle est une erreur. Sans mettre le doigt et tout, comme quand on est petit, quoi. Sans mettre une règle comme ça pour descendre. Bernard Pivot, quoi. Non, mais c'est un podcast de culture qui s'arrête. C'est une sorte de chat GPT humain, quoi. Alors, c'est une bonne question parce que justement, l'article vient de Elle Magazine qui disait que ce métier était surprenant à l'heure actuelle avec ChatGPT qui pourrait la remplacer très facilement. Mais c'est pas un truc de ChatGPT. Elle te donne des conseils sur quelque chose? Alors, tu es très proche. C'est pas qu'elle donne. Alors, Est-ce que c'est. Elle te donne des ordres? Elle te dit fais ça et tu fais. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. En fait, c'est une coach en décision. Ça, je pourrais en avoir besoin. C'est-à-dire que tu racontes un peu son slogan, enfin sa façon de le vendre, c'est de dire les psys ne vous disent pas quoi faire, moi si. Parce que souvent c'est ce que tu dis, je parle à mon psy, mais il me dit pas quoi faire, il me dit juste vous êtes plus dans cet état-là et tout. Elle dit moi vous me dites tout et je vous dis faites ça. Après libre à toi de. C'est pour ça que je te disais. À mon avis, toi, tu pourrais le tester et après tu ferais non, je vais pas le faire. Ouais, mais en même temps, moi j'avoue que les décisions c'est source d'angoisse quand même. Donc peut-être. Bon, après, sinon tu jettes un dé, tu dis si je fais plus. Ouais, non, mais après, elle t'écoute parler quand même. Il y a quand même un truc. Donc il y a un conseil, il y a un peu un conseil quand même. Ah oui, c'est du conseil. Vous vous demandez si vous devriez quitter votre conjoint, vous hésitez à changer de travail, vous ne savez pas où partir en vacances. Ouais. Adressez-vous à Nell Wolfhard, cette américaine a inventé un nouveau type de coaching, elle décide à votre place. Moyennant donc 217 euros, une conversation téléphonique d'une heure, elle vous dictera la marche à suivre, quelle que soit la question que vous posez. La majorité de ses clients la contactent pour des sujets d'ordre existentiel, mais d'autres sont plus anodins, voire carrément farfelus, je cite Elle Magazine. Bien sûr. Des gens m'ont appelé pour savoir de quelle couleur il faudrait qu'ils repeignent leur cuisine, le nom à donner à leurs enfants, quel roman écrire, si elles devaient raconter leur vie ou décider s'ils voulaient se faire enlever un tatouage. Et alors, il y a un truc aussi, c'est ça c'était tout le temps le cas avec mon ex. Elle me disait, bon vas-y, j'arrive pas à décider, décide pour moi. Je lui disais, bah fais ça. Et elle disait... L'autre truc. Ah oui, et en fait, le fait de lui dire fais ça, ça rendait l'autre choix plus évident. Enfin, ça rendait le choix évident. Oui, en voilà, fait. Que ce soit le tien ou un autre. Donc, je pense qu'il y a des gens qui le font et qui font pas forcément ce qu'elle dit. Mais ouais. Bon, truc de taré un peu quand même. Ouais, ouais, ouais, on peut dire ça. C'est pas. On peut dire. Pour être sûr, quoi. Non, bien sûr. Sur des sujets genre est-ce que je dois quitter mon conjoint, c'est abusé d'appeler une parfaite inconnue. Après la couleur de la. En fait, je comprends le chemin de pensée quand même. Genre, je vais dire à une parfaite inconnue qui ne me connaît ni moi ni mon conjoint, je vais essayer de lui donner le truc complet. Et c'est pour ça que je te disais ChatGPT, parce que c'est ce que disait l'article. En vrai, ChatGPT est un peu conçu aussi pour répondre à ce truc-là. Si tu lui donnes plein de. Vous discutez avec Chat, vous ? Ça m'arrive. Par exemple, la semaine dernière, je savais pas quoi faire. Je lui ai dit, vas-y, donne-moi des conseils de trucs à faire. Là, il fait beau et tout. J'habite là, j'ai pas envie d'aller trop loin. Et elle t'a dit, ouais, tu pourrais acheter mon expansion. Non, elle m'a dit, y a la Villette. Vous pouvez aller vous balader à la Villette, j'ai fait. Allez, je suis allé à la Villette. Ah, ouais. Ah donc t'as fait ce qu'elle t'a dit. Ouais, j'ai fait. C'est le début. C'est, hein, en ça. Vrai, c'est parce que ça faisait longtemps ça, que j'avais envie pu d'y aller. Trouver la Villette. Ouais, mais franchement, c'est pas. Enfin, je trouve que c'est pas une grosse perf pour une intelligence artificielle. Non, mais bon. Oui, mais peut-être qu'il t'aurait moins écouté. Tu vois, peut-être qu'il aurait. Je donne du crédit à ChatGPT. Toi, tu m'aurais dit, fais du sport. Ouais, donc ça, vous pourriez. Ça vous tenterait pas, toi, Adèle? Moi, grave, deux fois, je suis très nul pour prendre des décisions, quoi. Ah ouais? Le pire des gars, je peux laisser un truc sur le feu, quoi, et ça brûle, en fait, vu que tu prends pas la décision de l'enlever quand ça brûle, quoi. Je fais quoi? C'est d'autres professionnels qu'il faut que t'ailles voir. Non, mais moi, je crois que ça peut être cool, ouais. Ouais, non, oui, c'est risqué, mais oui, bah, remarque, pourquoi pas, oui, c'est une aide, quoi. C'est un petit Moi, je pense que c'est une catastrophe, si c'est la première à avoir eu l'idée, c'est qu'il y a un truc, à mon avis, qui. Ouais. Ça dépend comment elle te parle, en fait. Si elle te dit, je pense peut-être, tu devrais faire ça, mais si elle te dit, j'ai eu une vision, crois-moi, en un quart d'heure, je t'ai cerné, je connais toute ta life, jette-le. Celui-là, c'est un connard. Ouais. Peut-être c'est un peu intense. Ouais. Je pense que c'est un petit peu intense. Donc, ouais, toi, Adrien, peut-être. Non. Non, quand même. Bah, non, 247$. C'est, moi, je trouve ça très cher. Mais c'est vraiment cher, hein, moi, je trouve. Pour 8 euros, on fait un basket. Enfin, 8 euros à 9h du mat. Oui, c'est 15 euros. C'est un peu cher. Selon une étude, que feraient les hommes 7 heures par an? Ah, c'est pas un truc de cul? Non, c'est pas un truc de cul. Oui, parce qu'on a tous pensé à la même chose. Ils écoutent leur femme. Non. Yes. Yeah, c'est pour avoir des meufs dans mon public. Venez. Venez les girls. Crash. C'est vrai que sur ton flyer il y a écrit je suis un allié. Alors ça, c'est pas mal de l'avoir mis sur le flyer. Ah, t'as vu ça toi? Avec un N à la fin, un alien. Ah. J'adore ça moi. Je vis pour ça. Les jeux de mots. C'est pas l'alien. Ouais. Est-ce que c'est un truc? Est-ce que c'est un? Ça fait un geste? Un truc? Genre se gratter les couilles quoi. Ça fait peu de minutes. Non, c'est plus que ça par an. 7 heures par an? Ça fait par jour. Attends, peu, ça me paraît énorme. Mais tu te grattes longtemps les couilles toi quand tu te les grattes? Bah, je m'en rends pas compte, mais si tu divises par 367 moi, heures. Moi, franchement, une fois que je suis lancé, ça peut durer 35 minutes. Mais après, voilà. On a des métiers où on est beaucoup seul à la maison quand même. Donc, bon. Non, 7 heures par an, ça me paraît très long pour se gratter les couilles quand même. Ouais. On boit de l'eau? Non, c'est pas ça. C'est une activité? Peut-être, mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est une activité? C'est une activité très particulière. Ça implique un objet? Ça, oui, un objet, enfin pas un objet que tu peux prendre comme ça en tout cas. C'est que les hommes, hein? C'est que les hommes, en tout cas sur l'étude, l'étude ne porte que sur les hommes. Ça porte sur le corps humain? Pas sur le corps humain. Attends, non. Tu dis que c'est un objet qu'on peut pas prendre, donc c'est un objet très grand? Oui, enfin un truc qui bouge pas quoi. Ah, aller, enfin, genre aller au cinéma, un truc comme ça? Un truc comme ça, c'est aller quelque part. On frappe un objet inanimé? Non. De aller rage. Au musée? Rage. Pas aller au musée. Pipi? Alors, on s'approche. Caca? Non. Mais je suis heureux que tu hurles juste les mots. Pardon. Non mais si, c'est très bien. C'est lié à l'univers de la, des chiottes. Des chiottes. Être sur son tel assis sur les chiottes. Non mais torché. Pas se torcher. Ça c'est 32 ah, heures. C'est nettoyer ce qu'il y a autour du. Là, bah non, ça c'est 0 heure je pense. Ouais, non. Attendre que ça vienne. Pousser. Alors, pas pousser. Attendre que sa femme sorte de la salle de bain. Oh non. Ça c'est 7 heures par semaine. Ça c'est pas sur le spectacle d'Adèle, ça pas du tout ça. Attends, dans le spectacle de Franjo, ça. On est quand même sur le. On est clairement. Donc là on est aux toilettes. On est dans l'univers des toilettes. On est ensemble d'ailleurs jusqu'à 18h, on est aux toilettes. On est tous aux toilettes. Voilà. Franjo, si tu nous écoutes, mais c'est faux. Il regrette. Donc c'est être aux toilettes et ce n'est pas pousser, pisser, chier, vomir. Attends, c'est dans l'univers des toilettes, t'as dit. C'est dans la. Oui, tu le fais assis sur les toilettes. Regarder le téléphone aux toilettes. Ce n'est pas regarder le téléphone. Juste rester assis sur les chiottes sans rien faire. Une fois que t'as fini oui, de chier. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire que c'est pas le fait... Se cacher aux toilettes. Pour pas faire un truc. Ah ouais. Bien sûr. Ouais, mais cohérent. Attends, chez soi, je fais pas ça, moi. Genre... Là, c'est une étude avec les hommes passent en moyenne 7 heures par an à se cacher aux toilettes pour être tranquille. Les hommes. Ouais. Les hommes. Pas, c'est vraiment c'est masculin. Les hommes, apparemment. Vous faites avec ça, un vous Z, les hommes. Les hommes. Les... Comme les amants. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. De... Non, en vrai, je suis pas allé me cacher aux toilettes. Parce qu'il y avait un fantôme. Il y a quelqu'un qui J'étais à une soirée dans un bar, il y a quelqu'un qui me mettait un tunnel. Et j'ai dit, je vais aux toilettes. Et en vrai, je suis resté assis à côté des toilettes et j'ai attendu 5 minutes. Enfin, c'est drôle, c'est un gag. Enfin, un gag. C'est pas drôle. Je t'ai envoyé une photo d'ailleurs. C'est un gag pas drôle que je fais, mais des fois je disais ça, je disais attends, je vais juste aux toilettes et je partais des soirées. Alors c'est pas drôle, mais c'est juste pour moi. J'aimais bien faire ça. Ah oui, bon, il est intense parce qu'après ta soirée elle est finie. Mais non, mais parce que, non, mais parce que j'ai envie de rentrer. C'est vrai, quand j'ai envie de rentrer, je fais attends, je vais juste aux toilettes et en fait je partais des soirées. Manteau et tout. Ouais, ah non, mais vraiment, je m'en vais. Mais vous avez pas, moi dans mon groupe de potes, de quand plus jeune on se mettait les normes rasses, il y avait une règle de une fois qu'on est rentré dans le bar ou dans la boîte. S'il y en a un qui dégage, il prévient pas les autres, c'est pas grave quand on s'inquiète ah, pas. Ah, bah j'aurais dû faire ça. Moi, non, non, mais j'en rêve. Parce ah, que ouais. Ouais, dire au revoir, c'est. Qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Ouais, ouais, non, nous c'était disparition. Vous Ninja. Ouais, ouais. Comment il s'appelle ton paillasson, Batman. Ouais. Ton paillasson. C'est, c'est rare qu'on le décrive comme ça. Je te des indices. Non, mais surtout que le moment où. Voilà, on est sur un stand-up niveau 1, mais le moment où tu vas dire au revoir, c'est le moment où on te met un tunnel généralement. Bah oui, oui, toujours le tunnel. C'est pour ça que t'as envie de partir tout de suite sans rien dire. Est-ce que dans notre milieu, il y a plus de gens qui mettent des tunnels dans le milieu, entre parenthèses, showbiz, ouais, que dans le que dans la que dans la vie normale. J'ai l'impression. Ah ouais, ben, tu moi, crois je crois pas. Je sais pas parce que les stand-upers par exemple, bah, quand vous avez envie de parler, vous le faites sur scène, quoi. Donc il y a un côté, au moins vous évacuez cette envie. Ou dans alors des les gens, ou dans des podcasts, ou dans des podcasts, ou dans des interviews Click TV, ou dans ouais bon en fait vous parlez toujours. Vous avez pris des tunnels, des tunnelistes ici. Oui, mais on n'est pas là pour parler de Jérémy Ferrari. Voilà, on est juste là pour discuter entre nous. Tu vas le couper ça ou pas? Non, bon non. Ah ouais, okay, il parlait beaucoup. C'est pas non, le critiquer de dire je pense ça. Qu'il s'en fout. Il est à 3h30 de spectacle. Il a pas de soucis. Enfin, il sait qu'il parle beaucoup. Ouais. Donc dans l'étude qui est menée auprès de 1000 hommes, donc attention, ça reste une voilà, comme d'hab, hein, une sorte de sanctuaire pour échapper aux facteurs de stress quotidien, commandé par les spécialistes Pebble Gray, les spécialistes de la salle de bain. Et oui, donc c'est pas un truc n'importe, c'est pas n'importe. Attends, quoi. Mais c'est Jacob Delafont qui a fait mais les sondages sont toujours amenés par des marques qui veulent avoir des infos. Oui, c'est vrai. Oui. Mais et effectivement, l'activité numéro une qu'ils font à ce moment-là, c'est scroller sur leur téléphone. Donc vous avez okay, un peu raison. Ok, d'accord. Non, mais moi, ce que je fais par contre, c'est des fois, j'arrive chez moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui attend l'ascenseur, je fais un petit tour. Pour pas prendre l'ascenseur avec lui, ça je le fais. C'est vrai que ça, tu vois, moi à 35 ans, je suis toujours pas à l'aise dans les ascenseurs avec d'autres gens. C'est fou, hein. Ça moi, je lève qui les c'est yeux au ciel et tout, je. Puis quoi, ils parlent. Il y en a qui parlent. Viens, on fait un code social, on se parle pas. Non, mais moi, pas parler, c'est juste, ça dépend qui, mais par exemple, il y a un gars dans mon immeuble qui me fixe dans l'ascenseur. Et il se touche un peu. Je me demande. Et mais il gratte les couilles, c'est normal. Non, mais... Il fixe un peu, donc quand c'est lui, j'avoue que je fais un petit tour, prends l'ascenseur plus tard. Quoi. Mais sinon, moi, je trouve que le téléphone et les écouteurs ont un peu sauvé ces moments-là. Oui, oui. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit moment de flottement, moi de tiens, ouais. Mais même en soirée, genre oh là là, j'ai pas trop de place. Hop, téléphone et tu regardes. Ouais, quoi, mais ça n'empêche pas le mec de me fixer, tout ça. Oui, oui. Je vois. Toi, Adèle, toi. Moi, je reste beaucoup aux toilettes. Mes parents, ils ont dit ah, tu sais quand ils me cherchent. Ouais. Quand j'étais chez moi, il me cherchait pendant la chambre et tout. Bon, il est dans sa résidence secondaire. Toi. Ouais, il appelle celui pour moi. Et je reste là une heure. Tu sais, moi j'ai le petit truc pour les pieds là. Bah, moi aussi, voilà. Mais bien sûr. Et ça, c'est un gain de. Ça, faudrait faire l'étude de combien de temps à l'année tu gagnes avec le rehausseur. Enfin, ça fait aller beaucoup t'en plus t'en aussi mais... Non, mais je le fais avec la poubelle. Oh, la technique de Schlag. Non, mais après, ouais, non, mais il optimise la poubelle. Ah, ouais. Puis t'as grandi dans la rue, donc c'est pas pareil. Du coup, la poubelle est cassée parce que j'ai mis, tu sais, avec mes jambes, j'ai mis trop de poids sur le couvercle. Parce que toi, ça l'a pété. Et tranquille toi. Ça l'a collé. Ça l'a... Enfin, bon, c'est une anecdote assez passionnante. Non non, si elle est bien. Non, mais on conseille le rehausseur à chiottes qui a eu mauvaise presse. Oui. Voilà. Ouais, il y a eu deux découvertes dans ma vie dans les toilettes, c'était ça et le clapet auto qui fait pas du bruit, qui tape pas quand tu le descends. Tu sais qu'il y a un petit frein. Alors ça quand c'est arrivé dans ma vie, attention. Ah, j'ai pas ça moi. T'as pas ça, il fait du bruit quand il descend? Ouais. Ah ouais, moi j'aime pas. La nuit et tout là, c'est extraordinaire. Oui, après tu le fermes. Voilà, ouais, mais c'est une révolution. C'est comme aller à la pourquoi tu descends? Parce qu'il faut le fermer, il faut fermer le clapet. Quoi? Quand tu, en fait, quand tu tires la chasse et que t'as yesh, ça vraiment, ça envoie des particules de merde quand tu tires la chasse. Ouais, ça c'est des rumeurs. Lui, lui, c'est un gars qui regarde quand il tire, je pense. C'est un gars qui veut voir le départ. Du coup, tu prends tout dans la gueule. Après, je peux comprendre. Mais de toute façon, t'es obligé de voir. C'est là où c'est. Moi, je trouve que les toilettes, c'est très mal fait. T'es obligé de te retourner pour tirer la chasse. Donc, forcément, t'as vu. Ah, on revient dans du vrai podcast, ça me fait plaisir. Tu vois ta merde, tu vois ce que je veux dire? Pour, bah, je serais pour jeter ton PQ, tu vois. Oui. Bah, ah, mais donc tu te torches debout. Non, je me torche assis. Bah, moi je jette le PQ. Ah, tu le laisses glisser comme un bulletin de vote en fait, ton je cul le jette dans l'air et j'esquive. Oui, tu fais le Ronaldinho du cul. On garde. Qui c'est qui a fait ça? Bien sûr qu'on garde. C'était qui le bruit de prout? J'ai pas entendu. Ça allait avec la. Et voilà. Ça allait avec le sketch. Moi je prends tout. Ah ouais. Et moi j'ai pas ce truc parce que je pense que c'est lié à mon enfance. Moi il faisait super froid dans mes chiottes. Moi j'étais à la campagne, donc la salle de bain pour moi c'est une zone où il fait vraiment très très très froid. Ouais, ouais. Je détestais ça. Mais pour le truc de se torcher, bon, je vais pas vous demander si vous vous torchez debout ou assis. Ah bah ne gâche pas tout là où on en est. De toute façon, j'ai l'impression que ce podcast, vous voulez le faire crever vraiment en beauté. Ah, donc, tu rigoles, c'est ça qu'il a fait grandir. C'est ce qui nous a fait remplir l'Olympia. Donc si tu veux quelque part. Ah, vous avez acheté les apparts quoi. Ah, ouais, bah, bon, j'ai rien acheté du tout. Moi. En gros, moi je me suis torché debout pendant très longtemps. Oh. Et un jour, j'écoutais un podcast où des gens parlaient et il y a un gars qui disait donc quand tu te lèves et que tu te torches debout et tout. C'était Augustin Trapenard. Tous les autres disaient attends, tu te torches debout, mais t'es un taré ou quoi? C'est qui fait ça et tout? Et moi j'étais genre quoi? C'est un truc de taré de se torcher debout et du coup après je me suis torché. Mais ceci dit, moi qui torche ma fille. Et en vrai c'est bien, c'est cool. Moi qui torche ma fille qui a 14 ans. Non, ma fille de 3 ans, elle a quand même le réflexe de se pencher en avant pour que je l'essuie. Donc je la torche pas debout. Elle a quand même le truc de plier un peu son bassin. Ouais. Papa, j'ai fini. Ouais. C'est ça, exactement. Genre là, t'essaies de mettre une image mentale dans la tête des gens de moi en train de faire ça en fait. Parce que je vois pas l'intérêt de la. Sinon. C'est pour te dire que les enfants, dans leur premier rapport à se faire torcher, un instinct. Ils se mettent pas debout droit comme aïe. Ouais. Non, l'image que je voulais mettre, c'est que quand tu fais pipi, tu lèves ton t-shirt. Et je baisse mon pantalon jusqu'au chien. Comme Butters. Ouais, c'est ça, comme les enfants. Je le fais parfois. Non, je dirais mi-squat moi. Je suis en mi-squat. Mais toi, j'ai l'impression que tout est une bonne occasion de faire un peu de sport. Mais pas du tout, mais c'est juste que t'adores je peux pas m'asseoir. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Attends, tu t'assieds pas sur tes chiottes chez toi? Si, je m'assieds sur mes chiottes, mais quand. Donc là, on est parti, on fait une heure et demie. Mais surtout, il y a un rehausseur, donc si ça s'asseyait pas sur ses shots, c'est littéralement c'est le plus grand cabaret du monde. Quoi. Ouais, ça devient un geste accroupi. Ça devient vraiment un je vois Spider-Man pour moi. Je me suis jamais demandé comment j'étais quand je me torchais le cul. Ah, quand tu torches, oui, pardon. Je pense que je me mets en mi-squat. Oui, c'est ça. Et personne n'essaie de visualiser. Personne n'utilise de l'eau. Ouais, t'es à la water. Ah, toi, t'es à l'eau, bah oui. Et j'ai acheté, moi, un truc cuvette. Bah. Le truc du pauvre quoi, le truc à 50 balles où tu fixes en plus et tout. J'ai pauvre, mais. Bocu ! Même délire, mais pas cette marque. Ouais. T'as pas aimé ? Bah, j'ai voulu voir comment le fixer et c'était pas possible, il manquait un truc, Ah, c'est pour ça que je l'ai vu sur ton évier dans la cuisine. Je me lave les mains avec, c'est très bien. Ça fait le job. Non, il faut que je rachète une extension de tuyau et tout, je suis pas très bricoleur moi. Face à l'adversité, tu t'accroches toi. Non mais ça veut dire qu'il faut que j'aille au magasin de bricolage et que je leur explique. Bon bah voilà, je me suis acheté un truc pour me laver le trou de balle et il manque le truc et tout. Oh, je pense qu'il y a d'autres façons de le présenter hein. Non mais moi je triche pas moi. Les conseillers en magasin de bricolage, moi je peux pas. Ils sont trop pleins de confiance. Oui et un peu de mépris. Ah ouais, ils sont emplis d'une confiance folle. Attendez, je vais vous dire tout de suite, frérot, c'est bon quoi, tu vends trois tournevis, soyons tranquilles, on a tous des. Oui, et puis. Le fait de revenir est toujours très humiliant. T'achètes tes trucs, ils t'expliquent, tu le tentes chez toi, ça marche pas, tu y retournes. Puis ils te pissent dessus, le gars, quand ouais, ouais, ouais, c'est ça, il te prend un peu de haut. Vous faites quoi, vous, pour vous détendre? C'est quoi votre secret pour vous détendre un petit peu? Est-ce que vous avez même un petit. Alors, Adèle, tu faisais les chiottes quand t'étais jeune, donc t'es dans les. Des jeux de mots, allez-y, fais des jeux de mots. Non, mais est-ce que tu fais quoi un peu pour te relaxer, pour te. Pour me détendre, moi j'aime bien sortir dehors. Marcher, te balader, loisir, fort gratuit, nourrir trois canards, assis sur un banc et tout. Non, moi j'aime bien me balader dehors, je kiffe. Ouais, c'est ça. Sans aucun but, se balader, errer dans la capitale. Je comprends très bien. Flâner, errage. Ouais. J'essaie de moi faire. J'ai des petits problèmes d'hyperactivité à la base. Ouais. Et maintenant, je commence à me kiffer de des fois un peu rien faire. Ouais. Mais sinon, toutes les merdes. Hein. Moi, méditation, ça marche bien sur moi quand même. Ah, ça a fonctionné. Si j'ai pas l'air à méditer, méditatif, ça marche bien. Et pourtant, j'ai chaque fois la flemme de le faire. Alors que chaque fois que je le fais, après, je suis trop bien. Mais ça, c'est comme tous les trucs. Moi, j'ai ça avec le sport en l'occurrence. Ouais. Mais c'est bizarre. Hein. Ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que tu dis je suis d'un naturel hyperactif, mais du coup la méditation marche bien sur moi. Au début, t'as galéré ou très vite ça a marché sur toi? Parce que moi, je me sens un peu hyperactif aussi et je n'arrive pas à faire la méditation justement. J'ai un truc de ça m'oppresse quoi. En fait, le début est dur. Moi, à la base, pour te dire, c'est vrai que tu vois, on a des vrais. Moi, j'ai une vie avec des vrais problèmes. J'avais des problèmes pour trouver des blagues au stand-up. Ok. Voilà. Chacun ses traumas. Donc moi, c'était pas non plus un truc de ouf. Et j'avais essayé. J'avais vu une méditation pour la créativité. Donc okay. J'ai dit, allez, tu sais quoi, j'ai les petits bambous là, toutes ces merdes. Ouais. Donc j'étais parti. Et putain, j'ai eu l'impression que ça faisait un truc en plus quoi. Et même après, les trucs body scan et tous ces trucs là pour dormir. Ouais. Moi, je suis un gars qui. Je dors bien, mais je m'endors. Je mets longtemps à m'endormir normalement. Et okay. Là, ça va faire des années que grâce à genre méditation, sans déconner, en 10 minutes, je fais body scan, hop, je pense mon pied, ma tête, je remonte tout, je m'endors quoi. Ah, c'est incroyable. C'est assez ouf. Incroyable. Ouais, ça foire des fois. Bien sûr, j'imagine, mais. Mais globalement, voilà, je dis pas que c'est la seule solution, hein, mais. Ça marche sur toi, c'est toujours ce qu'on dit. C'est les gens qui en parlent, ils parlent pour eux, de toute façon, on n'est pas en train sinon, de. Sinon, la quêta quoi, les gars. Après, oui, bien sûr. Mais que tu mets en accompagnement, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, c'est ça, seul, tu conseilles pas. Non, mais non, ouais, moi ça marche en tout cas. Ok, et vous avez un petit rituel avant de. Vu qu'on parle à deux stand-upers, est-ce que vous avez un petit rituel avant de monter sur scène pour justement y aller tranquille ou maintenant avec l'expérience vous y allez un peu comme ça? Non, moi j'aime bien que souvent t'as le truc de manger avant ou après. Je sais pas si toi. Ouais. Tu manges avant ou après. Moi, tout le monde dit ouais, après parce que avant c'est pas bien et tout. Moi, bas les steaks quoi. Ouais. Avant, même pendant. Pendant. Déjà un petit creux. Il y a le room service qui arrive. Hey, c'est vrai, j'ai pas de rituel. Je fais des trucs d'articulation parce que moi j'articule mal. Mais sinon non, en fait nous le truc, enfin je sais pas toi, mais qui est important, c'est d'avoir la première partie qui va aller choper les premiers rires. En fait c'est ça nous qui nous met bien, c'est s'il y a des rires. Quand tu joues et qu'il n'y a pas de rires, tu peux avoir 15 ans 20 ans de game, si tu vas pas être bien quoi. Nous on veut des rires absolument Ouais bah oui. Mais moi j'ai un truc que j'ai remarqué, j'aime bien être avec des gens, tu vois. J'aime pas être seul en coulisses. C'est horrible d'être seul. Moi j'ai plein de potes, on est environ 3-4 à chaque fois. Le jour du spectacle, on est 3-4 dans la loge. Et tu les rémunères ces gens? Non, c'est des amis. Ils sont là de manière. C'est ton entourage quoi. C'est ton entourage, oui, c'est ça. Ouais, j'aime être entouré moi tout le temps. Être seul, c'est un peu triste, tu vois. Même là, je découvre les tournées là. Ah, faut jamais bouger tout seul. Frérot, si t'es seul, c'est dur. Hein. J'ai toujours mon pote moi, Patrick Douglas. Ouais. Oh, Patrick. Patrick, c'est une légende. Okay. C'est pas légendaire, Patrick Douglas. Incroyable. Toujours un gars avec WAM. Non, ouais, bouger tout seul, c'est chiant. Moi je bouge souvent à plusieurs aussi et c'est pas mal. Mais à plusieurs, des fois j'en fais d'autres stand-upers ou avec ouais, un gars qui fait la première partie avec toi. Oui, OK. C'est quand même bien, tu sais, au moment avant le spectacle. Moi j'arrive souvent last minute, hein. Genre des fois je joue à 20h, j'arrive à 19h59. Ouais. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un où même si t'as confiance en ton spectacle, que c'est rempli, que machin et tout, je sais pas, je trouve les quelques minutes juste avant, tu te dis putain, vas-y, qu'est-ce que je fous là, vite, faut que ça commence quoi. Ouais, mais okay. C'est d'avoir quelqu'un qui va faire la première partie, c'est pas mal. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression, alors j'ai pas fait de stand-up mais on a fait un peu de scène avec le podcast ou des trucs comme ça, c'est le après surtout où je trouve que être tout seul c'est horrible quoi. Quand le truc est fini, je trouve ça cool d'être un peu avec des gens ou de, je trouve que là ça accompagne un petit peu sur le dire. Mais des fois avant, même sur la tournée, des fois j'avais besoin de... enfin besoin, j'en sais rien, mais j'aimais bien avoir mon petit moment tout seul quand même. Mais moi c'est parce que j'ai pas votre expérience, c'est plus un truc de stress. Non, ça dépend d'oublier des gens. Des choses, moi c'était un espèce de stress de me concentrer, de de pas merder le truc quoi. Tu mettais la chaussette gauche plus la droite toujours. Et après une gorgée de Volvic. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Paul Mirabel, tu dis c'est l'expérience, mais Paul encore aujourd'hui, et avant le spectacle il a besoin de s'isoler, genre je sais pas, je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure, avec de la musique, du rap et tout quoi. Il doit refaire, il refait sa trame tout le temps. Ouais. Il est possédé. Chaque soir, il refait ça avec son code couleur et tout. C'est ces petits trucs. Là, c'est le jaune. Là, c'est le rose. Mais ça, je peux comprendre. Il y a un truc aussi où des fois, quand certaines personnes, moi, je suis un peu comme ça, l'écrire à la main le fait peut-être mieux rentrer ou le. Enfin, c'est pas le trou. Enfin, moi, je sais pas toi. Moi, c'est pas la peur du trou de mémoire. Là, je vais l'avoir avec le nouveau. Vu que je peux parler nouveau, là, c'est une autre peur. Mais quand tu le connais bien le spectacle, t'as pas la peur du trou de mémoire, du machin ou quoi. C'est plus genre, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout, quoi. C'est quand même un truc de malade d'aller parler à des gens comme ça. Et normalement, ça se passe trop bien et c'est trop cool. Mais on sait jamais, imagine, je me tape un beat pendant une heure. Tout le monde trouve que je suis une merde finie. Mais ça, j'ai trouvé que ce genre de réflexion, tu l'as quand t'as pas joué depuis longtemps. Ouais. Tu sais, quand c'est les vacances et que tu reprends, tu réalises de la folie que tu fais depuis des années. Tu fais waouh, je suis malade en fait, moi. C'est vrai ça. Mais c'est, quand tu dis longtemps, c'est 10 jours. Ça vient vite. Ouais, faut avoir vraiment le nid dedans. Et toi, tu fais comme... Non, mais c'est comme moi quand, avec la voiture, parce que moi j'ai une voiture, mais je la conduis une fois par an. Et en fait, quand je conduis, ça va, mais. Avant, les moments où je conduis pas, je me dis, mais ça n'a aucun sens de se propulser à 140 km/h dans un truc. 140 en... Mais t'es qui toi déjà? Non, mais. Voilà, ok, 110, 110. Voilà. Non, vraiment, tu vois mon camtar, c'est. T'as un camion? J'ai une camionnette. Ouais, il a un smirmor, quoi. J'ai une camionnette aménagée, moi. Et un husky. Je suis survivaliste. Je te sens agressif au volant. Pas du tout. Non, franchement, au contraire, je déteste les gens qui sont. Bah, justement pour ça, parce que je me dis, c'est tellement dangereux de base l'activité de conduire que tu sais, les gens qui collent pour doubler. Alors, non, mais c'est pour ça, mais voilà, mais agressif, pas, pardon, pas tu conduis mal et tout, mais genre, vu que je peux m'énerver, t'as conscience oui. que putain, c'est n'importe quoi de faire une queue de poisson, tu gueules comme un ouf parce que bah, ça te fait vraiment. Ouais. Je gueule peur, pas quoi. Trop, mais ça, beaucoup de trucs m'énervent, quoi. Mmh. Parce qu'il y a un côté genre, enfin, c'est tellement dangereux que franchement, il faudrait, tout le monde devrait redoubler de prudence, quoi. Moi, je m'énerve pas, mais j'insulte, cool. Mais j'insulte tout le temps. Alors, s'il y a un oubli de clignotant, c'est le clignotant, espèce de connard, de machin, toujours. Une espèce de grammaire comme ça. Ah, mais c'est à toi que tu le dis. Ouais. Non, mais non, à l'autre. Mais genre il m'énerve quoi parce qu'il fait pas les choses bien. Tu l'insultes mais tu lui donnes le conseil quand même. Ouais voilà c'est ça. T'es un instructeur. Mais le moindre truc m'énerve, c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que griller un stop m'énerve, les oublis de clignotant m'énervent. Enfin je suis très sur. Mais c'est lié à la peur un peu. C'est lié au truc de. Moi, je suis d'accord. Ça fait et c'est marrant ce truc que tu dis de. C'est fou, je roule à une vitesse folle. Moi, le truc, c'est que ça me flash à des moments qui ont aucun sens. Surtout sur les longues distances, je roule et je fais, je peux mourir là en fait. Tu fais un petit coup de volant terminé. Mais c'est ça, mais c'est ce que je te racontais sur. J'ai ça avec à Paris. Tu sais, des fois, t'es pour traverser et t'as les bus qui passent gravés. Tout le temps, je me dis, elle a un petit pas en avant, elle me percute. Mais je suis dead. Il y a un sketch de Bill Burr, tu sais, où est-ce qu'il dit, tu vois pas. En voiture, il fait juste un petit coup de volant. 5 morts. GTA quoi. GTA qui aurait jamais dû sortir ce jeu en fait. C'est la folie pure. Mais au moins je le fais pas dans la vraie vie. Je le fais dans les jeux vidéo. Peut-être sujet pas fun, mais c'est que vous avez eu des crashs ou il y a eu des histoires de crash. Des machins. Toi oui. Moi j'ai eu un accident de voiture où j'étais le conducteur. Yes. Mais pas de mort, juste un peu blessé. Et moi le pire entre guillemets. Une bonne anecdote à Noël. Une bonne anecdote parce que 4 jours après l'obtention du permis. Et avec une vieille qui me fait la leçon en voiture qui s'arrête pour m'engueuler parce qu'elle est persuadée que je suis bourré alors que pas du tout. Okay. Et elle était partie et donc elle m'avait fumé. Et après un des pires moments de ma life pour le coup, à savoir mes parents m'avaient obligé, mais pour j'apprenne bien la leçon, à appeler les parents de chaque gamin pour m'excuser d'avoir eu un accident. Les gamins qui étaient dans la voiture. Qui étaient dans la voiture avec moi. Alors on pourrait croire que t'as écrasé 4 personnes. Ouais. J'utilise ce podcast pour le dire enfin. Il y a eu que moi de vraiment blessé. J'avais mon pote Samuel où je lui dis je vais devoir appeler tes parents et qui m'appelle qui dit ne lui dis jamais sinon je pourrais plus jamais partir en vacances. Tout Donc j'ai fait semblant d'appeler et de tomber sur le répondeur. Bon bref, okay. Pas une anecdote. Non, moi j'ai eu un accident mais c'était light et c'était vraiment entièrement de ma faute et erreur d'inattention et en fait j'étais en plus moi par contre c'était je venais d'acheter ma camionnette genre une heure avant quoi. J'étais allé toujours juste après quoi. Ouais. Je l'avais acheté, j'étais allé genre dans l'Isère l'acheter machin et route de montagne et j'entends un truc qui fait un bruit et tout, je fais putain mais c'est quoi et tout machin et je regarde, tu sais, je tourne la tête, je relève la tête, je suis vraiment en train de foncer dans la paroi de la montagne quoi. Ah, wow. Et donc je fais coup de volant et en fait ravin. Et non bah petit mini ravin quoi. Enfin tu vois juste assez pour que la bagnole elle soit en carafe et je puisse plus T'es bien parce qu'en montagne souvent ravin c'est bon ravin. C'est ouais mais là bon c'était ravin. Là j'étais côté paroi tu vois. Ça aurait été dans l'autre sens, je tombais dans le vide quoi. Pas de flot de casse. Ouais voilà. On serait avec Navo. Voilà, ce serait un autre délire. Et donc pas de j'ai pété le rétro, j'ai pété une vitre et tout mais c'était j'allais pas vite ni rien, c'est juste de la connerie quoi. Mais ça m'a donné une bonne leçon de s'il y a un bruit c'est pas grave. Tu regardes la route et puis tu t'arrêtes et ça t'a fait une peur bleue. C'est ça, une petite frousse. T'as eu les foies à ce moment-là, c'est vrai. Et pour la petite anecdote, il y a un gars, c'était vraiment paumé dans la montagne. Il y a un gars qui arrive avec une moto avec un sidecar. Donc, wow. Il arrive, il s'arrête et tout, il fait ça va et tout. Je lui dis je viens d'avoir un accident, tu fais vas-y, monte, il y a le fermier là-bas, il va te dépanner et tout. Donc je monte dans le sidecar du gars. Là, attends, là, c'est la grande vadrouille. Tu rentres dans le film, là. Je monte dedans. Sean Connery dans Indiana Jones. Et le mec, avant de repartir, il dit... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah, putain, il a dit... je roule pas vite, je suis défoncé. Je fais yes. Et heureusement, c'était vraiment au bout, juste après le virage. Et effectivement, il y a un fermier... le mec connaissait parce qu'il habitait là, il lui a dit sa bagnole elle est plantée là-bas, le mec il a fait ok, il a pris son tracteur, il a accroché mon camtar et tout, il m'a sorti du fossé. Putain. C'est beau. C'est beau l'entraide et la solidarité. Il y a encore ça dans le monde, merde. Ouais. Et ça, le mec fonce dé m'a dit, allez, viens boire un coup, ça lui fera plaisir. Je dis, bah non, je conduis moi. Il dit, allez, viens et tout. Et donc j'ai dû dire non et partir. Toi, Pierre, surtout, il faut que je trouve un garage aussi. Ouais. Toi, Pierre, t'as déjà eu un accident? Eh, pas mal. Moi, ouais. Non. Moi, ouais. Non. Mais avec la famille, on a fait deux. Ça a toujours bien fini, mais c'était just. Et alors, party fun, vous inquiétez pas, je le gère, c'était il y a longtemps. L'année de mon BTS, j'ai fait 3 morts dans la classe la même année. Oh waouh. Wow. Tu as tué 3 personnes. Ce sont des aveux en direct. Et je sens que ça m'a mis un truc sur la bagnole un peu où moi je conduis trois et accidents tout. De voiture. Ouais. 3 accidents. À 3 accidents différents. Ouais, c'est enfin, c'était deux classes, on était 45 en tout. Ah ouais. Ou 40, il y en a 3 qui ont lâché. Ouais. Les stats, ça fait un pourcentage sympa. Ouais. Mais c'est parce que t'as le truc qui te dit que quand il y a un mort dans la classe, apparemment tout le monde a le bac, mais bon là c'est BTS, ça sert plus à rien. Mais... Hey, tout le monde a eu BTS, tout pardon. Tout le monde a eu BTS. Apparemment, ça marche avec le BTS aussi, ouais. Il faut 3 morts, donc c'est vraiment cher payé, quoi. Puis un BTS transport. Bon, en plus, c'est con, un BTS transport, tu vois. Non, c'est, ouais, c'était un truc. Vraiment, les profs qui ont annoncé, qui ont dit, bon, bah clairement, de toute façon, ils l'auraient pas eu, hein. Ah ouais, non, en vrai, c'était un truc de ouf. Là, j'ai du recul, puis moi, j'étais pas touché directement, tu vois, mais c'est vrai que c'était un truc de ouf. J'ai l'impression, alors est-ce que c'est parce qu'on est gosse? Moi aussi, les trucs les plus, je vais pas tout raconter, mais les trucs les plus glauques qui sont arrivés dans ma vie, c'était ces années-là, quoi. C'était lycée, début de truc. Quand tu viens un peu de pas les grandes villes, ça se strike pas mal en bagnole ou en truc bourré, en scooter, en truc et tout, quand même. Mais en histoire glauque, hein. Il y a quand même un truc Moi, j'étais pas campagne, hein. J'étais Poitiers, ce qui est considéré comme une métropole. Non, mais c'est quand même une grande ville, bien sûr. Malgré le dénigrement de beaucoup de gens sur cette belle ville. Oui, mais c'était un lieu de vacances que les gens adorent. Là, mais je connais pas Poitiers, je suis jamais allé, je crois. Moi j'y suis allé, c'est assez joli. Ouais, j'y suis allé. C'est... Futuroscope, enfin, deux bowling. Si, Futuroscope. Ouais. Deux bowling. Deux bowling. Ok, je retiens. C'est le visiteur du futur qu'on avait tourné là-bas. Et on était dans une cité U. On avait pioncé pendant 3 mois dans une cité, 2 mois dans une cité U à pas loin de Poitiers. Donc je m'étais baladé à Poitiers. C'était assez joli. Bon, je crois que j'avais fait la Fnac. Classique. J'ai pas fait tous les. Ouais, voilà, tous les grands trucs. Plus gros Auchan de la région à Poitiers. Ah ouais. Plus gros Auchan. Putain, on peut les applaudir. Bravo, Jean Poitier. La cérémonie du 8 mai de Grès dans les Hauts-de-Saône ne s'est pas super bien passée, à votre avis. Que s'est-il passé? Alors attends, déjà, cérémonie du 8 mai, rapport avec la journée internationale du droit des femmes ou rien à voir? Non, c'est la guerre. Non, le 8 mai, c'est la guerre. C'est le mars. C'est le 8 mars. 8 mars, pardon. Ouais, je confonds. C'est presque. Il y a un des anciens combattants qui est mort. Live. Non. Il est sorti de sa tombe, justement. Qui a dit, en fait, je suis nazi depuis le début. J'ai menti. Ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que c'était la cérémonie, on rendait hommage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a foutu la merde, comme le 113? C'était le 113. Le 113 est arrivé en disant avec un Daft Punk. Alors, il y a eu une erreur. Voilà. Mais une grosse erreur. Oh, ils ont mis une musique de Patrick Sébastien. Alors, t'es très proche. Lambada. Pas une pub, c'est pas une musique, mais t'étais proche avec Patrick Sébastien. Musique de Moscato. Ah, ils ont invité une mauvaise personne. Non, pas une musique de Moscato. C'est une musique, c'est une histoire c'est de musique. C'est pas une musique, mais on est sur un truc. Invité. On est dans la DA Moscato, Sébastien. Il y a eu un striptease. Il y avait un. Non, il y avait. Il y a eu un prout, il y a eu du prout. On n'est pas sur du prout. Quelqu'un s'est chié dessus? On est pas. Non, personne s'est chié dessus. Dessus. Sûrement un ancien combattant. Ouais. Non. Non, quelqu'un a diffusé en audio quelque chose. Un porno. En audio? Alors peut-être cette vidéo aussi, mais du coup c'était sur les enceintes. C'est dur. Des propos graveleux et à caractère pornographique ont été diffusés en pleine cérémonie du souvenir. Mais c'était peut-être un podcast tout simplement. C'était jeudi dernier, 8 mai à Grès, rapporte l'Est Républicain, à la place de la chanson Le Soldat de Florent Pagny, que s'apprêtait à reprendre des écoliers. L'assistance a eu donc droit à des mots très crus. Où il était question, hélas, de dilatation, d'orifice ou encore de sodomie, selon le quotidien régional. C'était pas genre le florilège de Bigard, là? Peut-être, peut-être. Vous voyez cette vidéo? Oui. De florilège. Le best-of de Bigard? Ah, bon, on te montrera ça après. Elle est géniale. Quelqu'un tient l'imitation de Bigard? Non. Souvent, il y a toujours quelqu'un qui l'a. À ce moment-là, c'était ça le. Ouais, mais tu l'as. Toi, tu l'as. C'est l'histoire d'un mec, il était là. C'est Coluche. C'est Coluche. Le champion. Non seulement c'est Coluche, et en plus c'est vraiment pas sa voix. Bah, c'est avec toi, ouais. Non. Mais c'était mais joli. Bien tenté, de bien tenté. Non, mais attends, ça aurait pu marcher. Alors ça a pas duré longtemps, hein, jusqu'au moment où le responsable du son, un bénévole, ne se rendent compte de l'erreur. Comment a-t-elle pu être commise? Eh ben, on ne sait toujours pas. L'enquête est en cours. Faudra envoyer le détective Thévenard, j'ai l'impression, pour savoir. Alors, ça m'a pas l'air trop dur à mener, hein. Je pense que le régisseur, il avait son petit disque dur. Bah justement, non, le responsable du son assure que la clé USB incriminée lui avait été confiée par la directrice de l'école privée de la ville, dont des classes devaient donc chanter. Il n'y a eu qu'un seul fichier sur cette clé. Nous l'avions testé avant la cérémonie, donc ça veut pas dire que c'était pas la prof qui l'a mis. Donc, les élèves un peu rigolos. Moi, c'est ma théorie à moi. Je suis travaille pas à l'Est républicain. Pour moi, il y a des élèves qui ont voulu foutre la merde. Des petits écoliers. Des petits rigolos. Oui, mais c'est peut-être pas les écoliers qui allaient chanter, des gens de la ville. Ouais, ouais. Je crois que c'est le genre de blague que j'aurais pu faire avec mes potes à 14 ans. Surtout que c'est le son, c'est l'audio. Bah. C'est-à-dire, donc c'était la réponse, c'était pas un vrai vidéo porno. C'est... Ouais. Bonne blague à faire, ça, le. tu sais, ton pote qui va partir à la BU le matin. Adèle a peur. Non, mais. À la BU où c'est tout silencieux, vous avez déjà bossé dans une BU et tout. Et. Tu lui lances un boulard sur son ordi et tu refermes. Et tu le fermes direct comme ça quand il ouvre dans la BU bien silencieuse. On s'amuse à Poitiers. À Poitiers, on sait s'amuser. Mais je pense, tu sais, ça me fait écho à une histoire de quelqu'un de. Il y a une... Non, il y a rien. Un fantôme. Il y a des bruits depuis tout à l'heure, on est d'accord? Non, pas du tout. Ah, c'est le chat. Non, c'est non, je suppose que il c'est le chat. Pas... Le chat, il doit faire sa life. Il peut chier sur le lit de ma fille, comme il le fait de temps en temps, avec plaisir. Par jalousie. Ça me fait quoi, une histoire et tout, d'un gars de mon il quartier. Il est mort de rire déjà. Après, je pense avoir des pistes pour savoir comment ça s'est passé ton truc. Ok. Parce qu'il y a un gars de mon quartier qui était. Il a un frère jumeau, c'était deux jumeaux. Et il y en avait un, il était aux toilettes. Il avait lancé un boulard, quoi. Ok. Mais il était connecté avec. Le Bluetooth. Le Bluetooth de la télé. Tout le monde était dans le salon et tout le monde voit. Parce que lui, il voit même pas. Il ne voit et entend ce qui se passe. Et lui, du coup, il comprend pas. Il dit, mais y a pas le son, y a pas le truc. Et il monte le son. Là-bas, c'est horrible. Du coup, il reçoit un message de son frère qui dit coupe. Et du coup, un cauchemar. Mais lui, il est resté. Lui, tu vois, il a dû faire les 7 heures au shot d'un coup. et il a pas dû sortir tout de suite, quoi. Ah la vache! Vous êtes comment niveau. T'as vu, je vous braque un peu le podcast, j'aime bien poser des questions. Mais on adore. Vous êtes comment, vous, niveau, tu sais pas, le truc vraiment gênant en famille et tout, vous en avez une qui vous revient genre, oh là, chaque fois que t'y penses? Non, ça. Bah, gênant, non. Des moments gênants en repas de famille. Oui. Mille, mais pas. Non, mais le flag branlette. Moi, j'ai jamais pris le flag branlette. Moi, je suis passé à vraiment pas loin. Proche? Ouais. C'est. Non, ouais, puis. Non, là, en plus je l'ai déjà raconté. Là c'est trop. Non mais attends, non, pas non, de soucis. Non, tu peux raconter et dire on le coupe, hein, on s'en fout. Hein. Non, mais il y a rien de. C'est fini de toute façon. En fait, non mais je sais pas. On a tellement parlé de ça pendant des années que je me dis oh c'est bon. Non mais. Okay. La DA a changé, je vois. On parle de non, chien. Non, mais en gros, vraiment, en gros, je vais essayer de pas rentrer pas trop dans les détails. Non, bien. Mais j'ai pas envie d'être trop graphique. Mais en gros, juste. Parce qu'il y avait un gars dans la politique française qui était présent. Il a pas envie de le faire tomber. Non, François Bayrou. Non, en gros, je vivais encore chez ma mère, évidemment. Et en gros, je faisais ça dans le salon à ce moment-là, ce que je faisais jamais, pourtant, ce qui était stupide. Et en gros, ma mère, elle est rentrée au moment où moi, c'était la fin, quoi. Ah oui, dans d'accord. Dans le salon, okay. C'est vrai que c'est plein d'audace. Ah ouais. Bizarre déjà. D'ailleurs, j'avais mis ça au moment du bac et j'ai eu 20 sur 20. Parce que l'audace, elle s'est branlée dans le salon. Il a eu 20 sur 20. Sans écouteurs. Et en gros. J'ai eu juste le temps de me refroquer, mais j'avais quand même l'objet de mon délit dans la main. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai fait genre, j'étais en train de me moucher. Incroyable! Okay, vas-y, c'est bon. Okay, mais mec, t'as inspiré le film Marie à tout prix, t'en as conscience. Ouais. Et j'ai dit, oh là là, heureusement, c'était genre le printemps et tout, ou l'été, je sais plus. Et j'ai dit, oh là là, le pollen et tout. Et ma mère me dit, oh mon pauvre chéri. Alors qu'elle savait depuis un quart d'heure. Non, mais ma mère, elle était pas à la maison, hein. Elle est rentrée du taf. Oh, le bruit de la clé qui met l'impression. Bah, c'est ça, oui. Mon pauvre chéri, t'es allergique au porno. tu fais une sacrée réaction. Peut-être si tu te mouchais pas avec un mouchoir plein de sperme. Et voilà. La rechute. Voilà. La rechute. Non, mais en vrai, je saurais jamais elle a dit, elle y a cru ou pas, quoi. Ouais, parce que peut-être qu'elle a dit oui. T'es allergique au pollen, mais ça pue le sperme quand même dans toute la maison. Je pense qu'ils nous ont tous chopés. On est plein à dire, je me suis pas fait choper, mais je pense qu'ils le savent tous, qu'ils ont tous. Et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est puis sûr. Elle a bien vu les chaussettes, c'est pas jaune, hein, normalement. Putain, alors ça, moi, c'est toujours cette légende des chaussettes. Ça ne m'a jamais. J'ai jamais fait ça dans une chaussette, quoi. Écolo, vous êtes pas écolo, moi. Écolo. Non, c'est vrai. Bah à l'époque, non, j'avais pas la conscience écologique. Je prenais un tote bag recyclable pour les courses. Ah ouais, non, moi je. Ah putain. Ça y est, et là, on est bien en bas. Là, on est bien. On y est bien. On peut pas aller beaucoup. Enfin, voilà, un on petit a fait coup caca sperme. Ouais. Je sais pas comment on peut. Non, mais en plus, moi j'allais. C'est bien revenir aux sources aussi. Mais un petit peu, de temps en temps. Non, mais moi j'allais vous poser des trucs de plus grosse honte, mais j'étais pas forcément dans des trucs de sperme ou de merde. J'étais plus dans des trucs. Non, c'est pire. En plus, c'était bien. Excusez-moi. T'essaies de torpiller la concurrence alors que nous, c'est fini. On arrête. Ça sert à rien. En plus, moi, dans le mien, j'aime pas trop. Que ça parle que de cul, à chaque fois, t'es là. On parle de piste depuis 15 minutes et tout. En fait, je suis envoyé par Franjo, il m'a dit tu vas aller m'éclater les gauchos là-bas. Et ouais, non, je sais pas, un moment un peu de honte qui vous est arrivé, un moment où, qui vous marque encore, de dire là vraiment je me suis tapé une bonne grosse honte. Je suis sûr que lui il est équipé. Familial, une honte familiale. Non, en général, non, franchement, on peut élargir. Si on pensait dans le domaine du stand-up, j'ai joué à la baguette ouverte quoi. Ah. Je savais pas que j'avais la baguette ouverte. Et tu l'as compris avec les rires j'ai dans ou... les stories des gens. Ah oui, d'accord. J'ai été mentionné, je vois ma tête et baguette ouverte. T'avais un slip? Bien sûr. Sinon on en aurait entendu un petit peu plus parler, je pense, de cette scène. Mais il a deux micros. Ah tu vois, on a réussi à creuser un peu plus bas. Désolé. Non mais parce que c'était arrivé à Lenny Kravitz. C'est une vidéo très marrante de Lenny Kravitz. C'est vrai. Qui fait de la guitare, qui s'accroupit avec son pantalon en cuir. Et donc ça lâche et il a pas de slip. Donc d'un coup il y a vraiment sa il déballe le truc comme un espèce de toboggan gonflable, un truc d'avion. Ah ouais, vraiment, ouais, c'est ça. Plus il y a d'ailleurs des gens qui ont glissé, enfin c'était incroyable, c'était un truc. Il y a Adrien moment. Qui putain, on continue à creuser. Continue à descendre. Ça va, non, toi Pierre, une bonne honte que tu t'es tapé. Pas mal. Au judo, le kimono qui tombe, donc du coup j'arrête le judo parce que t'as 6 ans et t'es en slip devant tout le monde qui se moque. C'était pas bien. Alors que le judo, c'est quand même, tu dois te retrouver en slip souvent quoi. Vu non, que t'es tout le temps en train là, de t'attraper vraiment, genre, mon pantalon qui tombe, il était pas bien attaché. Petit slip tortue ninja, tu pars en courant dans les vestiaires. Comme ça quoi. Non, mais il y en a sûrement plein, mais c'est vrai que j'ai tendance un peu à. Réprimer, c'est dégager les trucs un peu traumatisants, machin. Bah moi, je l'avais déjà raconté, mais c'était il y a longtemps. C'était je rentre de l'école. Bon, école primaire hein, quand même, mais dans mon souvenir plutôt fin primaire, donc quand même assez grand, enfin en tout cas t'avais déjà ta moustache ado. Non, mais en tout cas 9-10 ans, pour ce que je vais raconter ensuite, je crois me souvenir, bon en gros je rentre de l'école, j'ai ultra envie de pisser et j'arrive en bas de chez moi et je me pisse dessus et je me souviens que en me pissant dessus, je me dis, je suis quand même grand pour me pisser dessus, quoi. Après, il y a eu Urbain qui t'a détendu sur la pisse et tout. Qu'il l'a fait il y a 2 ans, comme il l'a raconté mais à ce micro. Mais sous alcool, ça compte moins. Mais bien sûr. Après, il était sous alcool aussi. Sous alcool. Mon père était sous alcool, je sais pas si ça compte. Statistiquement, c'est sûr qu'il... Peut-être un peu, ouais. Peut-être. Non, et je me pisse dessus. Et je dis, bon, bah voilà, bon, au moins, j'arrive chez moi et tout, c'est la honte et tout. Et en fait, j'arrive chez moi. Et je vivais dans une maison à l'époque. Et j'arrive, et en fait, ma mère, elle est sur la terrasse avec des amis. Et donc, moi, j'arrive, et j'avais un Bermuda, je me rappelle, vraiment flingué de pisse, quoi. Et j'arrive, et il y a genre 3 adultes que je connais pas qui me regardent. Salut! Ah, le regard qui se baisse vers mon froc. Le petit pisseux, quoi. Et moi, je me souviens d'avoir voulu faire genre. Une ouais, pas grave, tu vois, j'ai fait j'ai pas pu me retenir. Tu vois, genre, normal et tout. Et j'ai marché, genre, comme si c'était vraiment, j'étais mort à l'intérieur. Ouais, Fonzie dans Happy Days, il fait j'ai pissé. Il fallait sauter dans une rivière ou un truc comme ça. Alors, j'ai pas grandi à Poitiers, moi. Il y avait pas de rivière. Mais moi, j'ai rentré pipi au litard, moi. Ah ouais? Très tard. Fabien au litard, d'ailleurs. Exactement. Oh oui! Pierre et au litard. Oh oui! Oh là là. Je suis enfermé, je suis au litard. Le mitard. Oui, non, si, c'est encore ok. Vas-y, n'hésite pas. Hein. Ah, non, mais attends, il y a que Pierre là qui est pas dans ta team. Nous, on est avec toi. C'est gentil. Mon père, il carburait au litard, au Ricard. Non, ça va. Ciao. Mais non, Pipioli, moi, jusqu'à très tard, très très tard. Du coup, vraiment, grosse honte. Tu viens, on fait une soirée pyjama. Et tu sais, moi, dit, oh, ma mère, elle est chiante, elle va pas me faire. Tu sais, je mettais tout sur elle, quoi. Ouais, bah oui, elle bah normal. Pas me faire sortir et tout. Désolé, les mecs. Alors que juste, c'est moi, mon propre ennemi, quoi. Attends, mais c'est Franjo qui disait ça aussi. Qui s'était pissé dessus tard. Et qu'à un moment, c'est dans un épisode récent. Mais tout le monde s'est pissé. Et justement, ce qu'il avait soigné entre guillemets, c'était qu'il avait fait une soirée pyjama. Il avait pas dormi de la nuit de peur de se pisser dessus. Et du coup, ça lui avait. Et il a pas pissé. Ouais. Et après, il avait pu pisser dans. Et ça lui a débloqué un problème, l'insomnie. Sans doute. Mais étant papa d'une petite fille, alors maintenant elle est propre et tout, mais. Qu'est-ce que c'était hilarant les premières fois où elle se pissait dessus quand même. Mais non, parce qu'elle est les premières fois sans couche. Vraiment, elle s'arrête dans la. Tu sais quoi, elle te regarde, elle fait. je fais pipi. Et tu vois la pisse ruinée, ah, son bah, fut. Oui. Mais c'est trop mignon quand il y a un peu un truc de bâtard. Enfin, trop mignon. Ça reste un peu. Faut gérer, quoi. Oui, faut mais... pas le rironner. Non. C'est un conseil. Mais j'ai pas d'enfant, mais je crois que ce qu'il fait. Comme dans les Simpsons. Non, mais en mettant une petite claque sur la joue, comme ça, en disant oh, t'es con de pisser, là. Non, non, mais ouais, là, c'était vraiment marrant parce que vraiment, ça s'arrête. Oh. C'est genre, j'ai ouais, vu une étoile filante. Ouais. Très marrant. La rubrique Science de la BBC a publié le top 10 des animaux les plus dangereux du monde en se basant sur le nombre. Vas-y. Ah ouais ah, normalement, les animaux dangereux, je suis. Attends, non, mais je m'en bats. Vas-y, oh, vas-y, vas-y. L'humain. Et là, c'est le numéro 2. Donc, t'as déjà un petit peu moustique. Caché le jeu. C'est pour de vrai? Ouais, moustique numéro 1. Ah ouais, bah, d'accord, bien sûr, on est sur des très forts. Mais bien sûr, c'est toujours le numéro 1, le moustique. Alors, attendez, je vais tout vous raconter. Donc, en gros, c'est basé sur le nombre de morts provoquées chaque année. Je crois que tu peux parler de ça. Au nombre de morts. Ouais. Ah, ok. Donc, le moustique est numéro 1 avec 725 000 morts par an. Alors, ça compte les trucs. Genre ça provoque une maladie qui oui, te tue plus tard. Ah oui, sinon il n'y aura pas de moustique. Je le dis aux auditeurs. Un contre un, le moustique non. Oui, non, ouais, non, c'est ça. Normalement ça va. Ou alors vraiment Donc ouais, 725 000 morts par le moustique. Donc l'homme, 400 000 morts. Attends, tu vas pas dire les autres, on va deviner. Non, quand même. Vous devinez. Ah ok, maintenant. Okay. Ah bah vas-y, méduse. Il n'y a pas les méduses, je suis désolé. Alors attends, Pierre. Le pangolin. Le pangolin n'en fait pas partie. Les hippopotames, c'est sûr. Les hippopotames. L'hippopotame est effectivement 9e avec 500 morts par an. Pourquoi t'es autant aussi les ours que... Les serpents, les araignées. Ah. Alors attends, les serpents, c'est numéro 3, donc vous avez le top 3. Okay. 138 000 morts par an. Les serpents font peur à nombre d'entre nous et cette crainte est justifiée par les statistiques. Alors évidemment, il meurt après avoir été piqué ou asphyxié par un serpent. Et si le chiffre est si conséquent, c'est notamment parce que l'on trouve des espèces au venin mortel dans à peu près tous les pays du monde. Eh oui, voilà. Ah, c'est fou ça. Eh oui. Alors ça, t'as dit quoi? Ours, j'ai dit. L'ours n'en fait pas partie. Ah ouais. Eh ouais. Mais qu'ils ont tué même des animaux ou ils ont tué des humains? Non, des humains. Ah, des humains. Le plus dangereux araignée. Pour l'homme. Il y a pas l'araignée. Le requin, crocodile. Le requin, je pense que c'est pas. Ouais. Le crocodile, en revanche, est 7e puisqu'il y a 1000 morts par an. Bah vu que c'est des humains, tu vois, je pense que les crocodiles, c'est plus. Les crocodiles, t'en as. À quoi que ça dit, c'est des alligators. J'allais dire en Floride et tout. Les abeilles. Ils détestent être mélangés. Les abeilles. Il y a pas les abeilles. Il y a pas les frelons. Les araignées, non. Il y a pas les araignées. Il doit y avoir. Il y a un autre insecte. Il y a peut-être des trucs auxquels t'es genre les tiques indirectement. Alors il y a un insecte qui a un nom particulier. Je vais même vous le donner. La mouche. Non, pas la mouche. C'est la punaise assassine, ce qui est le meilleur adjectif à donner à une punaise qui tue 10 000 personnes par an. Mais voilà, la punaise assassine qui n'existe quasiment pas en Europe, mais qui est redoutable pour l'homme parce qu'elle peut piquer et ses excréments. Donc en plus, tu meurs avec sa merde, quoi. Ah, elle te chie dans la peau. Elle quoi. Te chie dans la peau, ce qui propage une maladie, la maladie de Chagas, une infection parasitaire. La maladie, elle est dégueulasse. Il y a rien qui va. Tous les noms sont horribles, quoi. La punaise assassine, c'est la même maladie de Chagas. Elle quoi. Vous tue et vous dégueulez à l'intérieur de vous-même. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est une infection parasitaire grave à l'origine de 10 000 décès par an en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc il y a 10 000 morts par an. Il nous manque quoi? Il nous manque lesquels là? Il vous manque le numéro 4. Le numéro 6, le numéro 8 et le numéro 10, sachant qu'il y a des animaux très connus dans l'eau que vous n'avez toujours pas dit. Et dans l'eau? Dans l'eau. Dans le lot. Dans le lot. Les éléphants. L'éléphant, effectivement, est 8e. Mais l'éléphant tue plus que l'hippopotame, ce qui répond à la question, c'est qui le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame. Les ours, t'as dit non. Les ours, non. Il y a le lion, tigre. Le lion tout court. Et oui. Mais oui, le lion, 200 morts par an. Le tigre n'en fait pas partie de la liste. Pas du tout. Tranquille, 200. Il nous en manque un. Il vous manque. Alors attendons, lion, hippopotame, éléphant, crocodile, il vous manque le numéro 6 et le numéro 4 qui est très surprenant. Ils sont sur dans la jungle, dans la forêt. Il y en a un qui est un petit peu singe. Plus. Singe. Il n'y a pas de singe. Les chiens. Le gorille. Les chiens. Les chiens. Le chien est numéro 4. Vilain chien. Mais alors pourquoi il y a le chien? Je parlais de maladie, je parlais de chiens. Alors effectivement, 59 000 morts par an quand même à cause des chiens. On abandonne les chiens. Ah, mais les après... chauves-souris, alors peut-être ça file pas des maladies, ça, ces trucs-là. Sûrement que si, mais ça ne fait pas partie du top de 10. Ah oui. Non, admettons, pour ne pas le citer. Les cas d'attaque mortelle juste sur les chiens, les cas d'attaque mortelle de chiens sont très médiatisés, mais extrêmement rare. Ce qui tue les gens, effectivement, c'est la rage qui se transmet dans les pays les plus pauvres de la planète, notamment en Afrique et en Asie. Donc c'est ça qui fait que les chiens sont très mortels. On est bien quand même. Enfin, tu sais, genre, même en Australie, tout te bute. Oui, c'est ça. Le moindre mouche, elle a un dard magique. Le truc mignon là, le putain, le quoi là, le mélange là, le truc de gars défoncé là avec le bec de canard, ah oui, le corps de l'ornithorynque. Ouais, et ben je savais même pas, les mecs, ils ont des les mâles, ils ont un dard. Ah oui, tu le touches, t'es paralysé pendant 20 minutes, je sais pas quoi. Ils ont aussi un dard, mais ils ont vraiment, c'est vraiment un truc n'importe quoi. J'adore les animaux, j'adore les anecdotes animaux. Mais moi j'adore l'ornithorynque. J'avais une histoire quand j'étais petit de la vie d'un ornithorynque, et en gros, c'était un truc genre une belette demande à Dieu de lui mettre un truc, et en gros, à chaque fois Dieu lui rajoutait après un bec, un truc. C'est à ça, la fin, et à la fin, un... ça devait l'ornithorin qui a mais voilà, bon, bref. Ah, ok. C'était un livre sur la tolérance. Ouais, je crois que c'était ça. Hein, je crois que c'était ça. Mais donc, moi, je suis passionné d'ornithorin parce que je trouve ça fou comme bestiole, effectivement. Alors, c'est assez ouf. Il y a un mélange de plein de trucs. Donc, il vous en manque. Il n'y a aucun oiseau. Il n'y a pas d'oiseau. Là, il vous manque plus qu'un insecte. Alors, attends, insecte, on peut trouver. Il y a des insectes un peu méchants. Des fourmis. Scarabées. Pas scarabées, mais. Fourmis. Pas fourmi, mais un insecte très connu pour être dangereux. Mais oui. Tu te dis ça si je me. Un scorpion. Un scorpion. Ouais, ouais. C'est 3000, un insecte le scorpion. Bon. C'est, est-ce que c'est ça qui fait que t'as pas proposé scorpion? Attends, ici, qui à part SVT jusqu'en terminale, qui a fait plus loin? Non, mais. C'est, non, mais t'as raison, c'est un arthropode. T'as raison, c'est comme les araignées. Ah, non, mais arthropode, tu l'avais. Bah non, mais je sais que c'est pas un insecte, un scorpion. Quand genre même. Parce que j'ai dit insecte, tu dis bon alors ça doit pas être le scorpion. Bah oui, oui, moi bon, cherchais. Allez. Oh là là. Ça, je te retrouve. Et en plus d'un gars qui savait pas si un sanglier c'était un mammifère non, ou pas. Non, mais quoi. Il m'avait pris par surprise. Ça c'est vrai. Que, et ouais. En plus c'est le groupe scorpion qui tue 3000 personnes par an. Donc ça n'a rien à voir avec l'animal. Ah, j'ai rigolé un jeu de mots. Ah putain. Oui, mec, un groupe ça fait deux fois. Tout à l'heure il y en a eu un autre. Je suis fragile. Alors tu dis que t'es fou d'animaux. J'ai une question très bête. C'est, est-ce que vous aviez un animal préféré quand vous étiez petit, ou en tout cas une espèce animale qui vous fascinait, Adèle? Moi j'aimais beaucoup les singes. J'ai toujours voulu avoir un petit singe avec moi, ouais. Un petit chimpanzé. Ah, ouais. Comme Clint Eastwood dans Doudou et Dingue. Non, totalement. Tu vois pas ce film? Je vois pas, mais je vais dire oui. Tu sais quoi? Je vais te donner un lien parce que tu vas adorer alors. Comment ça, un lien? Parce que c'est un lien pour voir le film. Un lien dans le Dark Web. Non, c'est un film où Clint Eastwood est pote avec un singe. Mais pourquoi pas Mookie avec Jacques Villeray? Et Eric Cantona, évidemment. Non, mais ouais. Ah, ce film, je pensais que j'étais le seul au monde à connaître ce film. Bah non, c'est un classique. Mais Doudou et Dingue, on m'appelle Mookie. Ah, tu connais aussi? Ouais, je connais, ouais. Attends, mais t'es jeune, toi, pour connaître Mookie? Bah ouais, gros, tu crois quoi? Ah, t'as eu une vie difficile. Donc, Doudou et Dingue avec Clint Eastwood. Et en gros, il va dans des bars pour se cogner contre des loups-bars avec un singe. Et le singe fait des doigts d'honneur et se tabasse contre des mecs. Et donc, le numéro 1 s'appelle Doudou et Dingue. Et il y a une suite qui s'intitule Ça va cogner. Oh putain, très question, oh, j'ai vu un truc passer, j'ai pas suivi d'où ça sort. Il y a plein de trucs en ce moment sur ça vient d'où ce truc? J'ai pas compris non plus, c'est mais c'est pas internet. Ça, ça okay. C'est TikTok qui sait pas quoi faire. C'est, ouais, voilà. T'es pas oui, chez les plus cool là. C'est hein. Un gorille contre 100 êtres humains qui gagne, ouais, je crois que c'est ça le truc. Je crois que c'est 100 tomes en plus, déjà. Ouais. Ah oui, ça revient, on fait 50-50. On reviendra à ton spectacle, Adèle. Donc les singes de ton côté. Ah, Adrien ça. Aussi t'étais très singe, non? Ouais, je. Ouh. T'en as déjà eu un? Non. Il y en a un. Non, parce que moi, ma copine, sa mère, qui est du Sénégal, elle avait un singe. Ah ouais. Ah, oui, d'accord. Avec elle, singe de compagnie. Singe de compagnie. Bah. Comme Joe Star. Oui, malheureusement. Bah oui, c'est ça. Je crois qu'en France, c'est peut-être compliqué maintenant. Bah, c'est totalement interdit. Il y a même ce truc à. J'en parle un flot de casse sur deux. Dans le Grand Est, tu as la montagne des singes. Bah oui. Qui est en fait singes qui se baladent en liberté, oui, dans un truc fermé et où tu peux mettre du popcorn dans ta main. À l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais du popcorn dans tes mains, et les singes viennent bouffer du popcorn dans tes mains. Il y en a partout. La vallée des singes à Poitiers, il y a ça. Ah, il y en a à Poitiers, bah tu vois. Voilà. Mais ouais. Mais il y a tout à Poitiers en fait. Le Futuroscope, la vallée des singes, même le Puy du Fou, c'est pas très loin. Je voulais pas le dire, mais c'est un hub. Y a pas de quoi être fier le Puy du Fou après. C'est loin de Poitiers. Ouais, c'est loin. Non, mais cela dit, parce qu'on parle souvent de singes agressifs dans ce podcast. Il y a une vidéo qui a pas mal tourné là dernièrement sur les singes du rocher de Gibraltar. Je sais pas si vous avez vu. Non. Parce qu'en gros, je vais essayer de faire vite. Mais tout va bien. En gros, normalement, le rocher de Gibraltar, il y a pas de singes naturellement à cet endroit-là. En gros, ils ont importé des singes d'Afrique sur le rocher. Ouais. Donc il y a eu une petite population de singes qui s'est développée. Et comme Gibraltar c'était sous le contrôle anglais, ils ont fait et qu'il y avait une croyance qui disait tant qu'il y aura des singes, ça restera sous le contrôle anglais, genre n'importe quoi. Ils ont fait revenir d'autres singes quand la population a commencé à diminuer. Ok. Ouais, et du coup maintenant, il y a des singes qui sont là, mais c'est pas du tout un habitat naturel pour les singes. Il y a rien pour eux. Et du coup, ils survivent en taxant les touristes en fait quoi. Et donc ça crée une population de singes ultra vénère. Mais là, tu décris la planète des singes là. Non, mais... Et les vidéos, je crois que c'est Loopsider, je crois, si vous voulez la retrouver. Mais c'est bon. J'aimerais pas être à la place des gens, mais c'est hilarant quoi. C'est-à-dire qu'il y a un plan où il y a une meuf, elle est contre un mur en train de pleurer Et la caméra elle panote et au coin du mur t'as un singe qui est en train de regarder. Enfin, ah je l'ai vu. Ah ouais c'est vraiment le coup de pression. Le singe ouais. Il a un regard, il est genre tu vas voir. Imagine tu prends l'ascenseur avec ce singe. Ah ouais. Là. Ah. Non mais singe c'est ultra balèze. Hein. Ah, c'est ah, terrifiant. Ouais, ouais. Mais là c'est du petit macaque mais même rien que ils doivent pouvoir te faire bah un ouais, peu mal. Ils sont... hein. Puis en plus y a des... on voit dans la vidéo où il monte sur le dos donc tu fais ah il est sur il mon est dos mignon. Et en fait il fait vraiment prise de catch. Mais en oui. fait, il se retourne, il prend les cheveux et il est suspendu à tes ah cheveux. Ouais. C'est Jeff Hardy. Ouais. Et tu sais que moi, j'étais parti quand j'étais petit dans un zoo. Maintenant, je vois pas être dans un zoo, tu vois. Ouais, bien sûr. Je trouve ça. Ouais, c'est un peu gênant. Mais ouais. Il a fallu ouais. que je grandisse pour le réaliser, tu ouais, vois. Mais oui. Et quand j'étais petit, j'étais parti dans un zoo avec ma famille et ils ont dit pas de bouffe, ouais. pas de dans le sac, rien, pas de nourriture. Mon père, il dit d'accord, il avait juste une bouteille d'eau. Le singe, il saute sur mon père, il ouvre le sac, il avait senti l'eau. Je te dis, ils sont forts, c'est ça. Ton père, il t'a menti, il a mis du grand Fanta. Et le Fanta, c'est connu, ça attire les singes. Je sais pas, peut-être le sucre. Bah oui, bah... Attends, mais c'était quoi comme zoo? Parce que normalement, les singes, ils sont dans une cage. Ah, mais ça devait être un truc genre la vallée ouais, des singes. Vallée des ouais, singes. Ah, peut-être, ouais. Tous les trucs de la vallée des singes, t'avais que des vidéos de... Enfin... Même moi, je me souviens d'une meuf, il s'était fait piquer des mouchoirs, donc il jouait avec les mouchoirs. Enfin, c'est rare qu'ils prennent que les. Mmh. Ils nous montaient dessus, les lémuriens. Et tout, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ils disaient tout, non, mais mettez-le comme ça. Mais ce ouais. qui était. Les gens, ils étaient trop contents de voir des singes. Tu vois, ils voulaient juste faire des photos avec les singes et tout. Et maintenant, dans les coins touristes, les singes, ils se sont tellement adaptés à nos vies qu'ils raquettent les gens. Ouais. C'est-à-dire, ils prennent le portable et après, ils disent, bah, donne-moi bouffer. Putain, c'est ouf. Tu poses à bouffer, ils posent le portable. Ça c'est génial. Beau. T'as quand même une petite fascination. Je serai toujours du côté des singes. Ouais. Quoi qu'il arrive, je serai toujours du côté des singes. Non, team singe aussi, ouais. J'aime bien. Ouais, non, ouais, mais t'imagines les pauvres à Gibraltar. Ils bien sont sûr, fait non, amener là sûr. De force. Et après, il y a des gens qui arrivent, ils ont de la bouffe, ils leur en donnent même non, pas. Non, il y a peu de choses plus marrantes qu'un singe qui marche aussi. C'est juste. Oui. Moi, déjà, juste une vidéo de singe qui marche, avec les bras en l'air ou qui descendent. Il y a un truc un tout petit peu ridicule mais, que ouais, j'aime ouais, bien. Ouais. Qui est vraiment marrant. Avec les grandes. Ouais, ça, c'est hilarant. T'avais pas vu, j'avais partagé une vidéo où c'était juste le sous-titre. La légende, c'était un singe a été aperçu en train de courir comme un humain. Je l'ai vu, ça. Et il court avec les bras comme ça. C'est trop drôle. Genre Jason Statham quoi. Où ça? Il court comme ça. Après quand il a vu la caméra, il dit oh putain, c'est vrai que je suis un singe. Il s'est mis les bras le long du corps. Je suis normal. Non, je fais rien, je fais rien. Hilarant. C'est vrai que c'est plus marrant que nous. Hein. On peut faire les meilleures vannes de tous les temps. Ah ouais. Ah bah c'est ce qu'a compris Patrick Bouchité. Ouais. Il s'est dit, je fais parler des singes, ouais, j'ai tout, fort. J'ai le beurre et l'argent du beurre. Déjà, ils jettent leur merde. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est vrai que ça, c'est bon quoi. T'as déjà vu un hippopotame qui chie? Ouais, c'est le avec la queue là. Ah, j'ai un pote qui s'est fait chier dessus par un hippopotame. Oh mais non. Enfin non, mais attends, là je te le vends. Je te le survends là. Je te mets. Mais genre, au on cirque. Était. Déjà, qu'est-ce qu'il faisait à cet hippopotame? Non, c'est pas bien. On était à Barcelone et on est allé au zoo de Barcelone. Ok. Voir le singe blanc, le gorille blanc là. Et il était déjà mort quand on est arrivé, donc il y avait des photos de lui. Bah ouais, ça nique tout le buzz du zoo. Carton, est... Tu pouvais mettre ta tête. Mais oui, exactement. Mais non. Il y a une photo de moi où j'ai la tête, je suis le corps du gorille albinos. Ce sera la. Et le visuel de l'hippopotame, en fait, il était quand même proche et il commence à chier. Et vraiment, quand ils chient, ils ont une toute petite queue qui bat et qui répartit le caca partout. Et ça, c'est un canon à neige. Et là, mon pote, il en a pris un peu, tu vois, et ça nous a flingué, quoi. C'était vraiment marrant, quoi. Mon rêve, c'est qu'ils soient pas obligés de faire ça, les hippopotames. Ils le font pour le kiff. Pour juste pour se marrer. C'est marrant, c'est marrant. Ouais. C'est marrant. C'est juste avant, ils appellent leur pote. Ils font hey, regarde, regarde ce que je vais faire. Puis ça fait des bruits de prout, enfin, il y a tout, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout pour ravir les enfants. Ah, bah, ça devrait être l'animal totem du Floodcast. Mais ceci étant, l'hippopotame était un de mes animaux préférés quand j'étais petit. Je me souviens avoir vu des vidéos, un documentaire, je sais pas si c'était vraiment un documentaire, mais juste de le, ils mettaient des gros trucs dans la bouche d'un hippopotame qui les pétait. Ah ouais, des pastèques et tout. Et j'étais genre, ouah, et ce que je trouvais trop stylé, c'est qu'ils disaient, c'est l'animal le plus dangereux, ne vous fiez pas à son apparence, machin, c'est l'animal le plus dangereux du monde. Et juste quand ils hurlaient, et tu les voyais bouffer des crocodiles. Ouais. C'est marrant, j'ai fait un truc avec, c'est une IA tellement bien fait, un hippopotame, en fait, c'est un humain. Il y a une tête d'homme. Je sais plus si je voyais si c'était vrai ou pas, quoi. Alors, c'est faux, c'est un humain avec une tête d'hippopotame, je pense que ça n'existe pas. C'est un dieu, peut-être c'est un dieu égyptien, mais je maîtrise pas trop mes trucs. Mais d'ailleurs, tu mets le doigt sur le truc, c'est pourquoi les IA, en tout cas au début, c'était que ça. Les trucs qui se transforment en humains bizarres, c'est vrai. Ça va développer presque une phobie. Pour dire c'est possible. Ouais. Je sais pas, ouais. C'est ça. Je sais pas, c'est foutu. Oui, mais on dirait plus des trucs de clips des années 90 de Michael Jackson un peu nul, tu vois. De, ça se transforme en humain et tout. Ouais, animal préféré, Adrien, quand t'étais petit? Bah, en vrai, peut-être le singe aussi. Ah hein. Ouais. Ouais. Mais t'avais ouais. pas un truc de petit garçon, masculinité toxique, féroce. Moi, c'est les crocodiles. Non, mais moi, j'avais ça avec les serpents. Genre les serpents, je trouvais ça stylé, ce truc de ils peuvent bouffer un truc qui fait 12 fois leur taille et tu vois la forme de la biche dans le corps. Varan de Komodo. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est un délire. Quand incroyable. Même. Avec ils ont des bactéries dans la salive qui te fait morte et t'as une infection. On s'y crache dessus. Ouais, ouais. C'est vraiment une bestiole. Si tu l'embrasses. Costaud quoi. Mais oui. Ouais. Mais c'est on dirait des vestiges des dinosaures quoi. C'est toujours un truc où tu dis putain. Ouais, c'est ça. Mais comme les crocos, c'est vrai que les crocodiles, c'est une dinguerie. Hein. Moi, je trouve ça terrifiant les crocodiles vraiment. À chaque fois que je vois des. Oh, y a... C'est le fait qu'ils te tournent, ils tournent leur mais truc. Juste. Non, mais ce truc qui. C'est un animal, sa seule fonction, c'est de te tuer quoi. Non, mais c'est le fait en fait, la gueule est déjà tu flippante. Tu caresses pas rien, c'est juste. Tiens, un lion, tu peux dire, oh, et s'il était gentil, je le caresserais. Là, un crocodile, c'est il a la bouche bien longue là pour m'attraper. Mais c'est ça que je trouve fou. C'est-à-dire que tu pourrais dire qu'il tue en un coup. Parce qu'ils ont une gueule gigantesque, mais ils ont la technique de tourner sur eux-mêmes pour te noyer machin. Ça, c'est vraiment des malades. J'ai vu d'ailleurs une vidéo adorable où c'est un bébé crocodile, donc à la taille de notre main, et il lui donne un petit morceau de viande et il le croque et après il tourne. Mais genre, il est tout petit, trop mignon, quoi. Voilà, bon, c'est nul à raconter. Mais... Non, mais si, mais c'est mignon. Non, les bébés, c'est mignon. Mais pour dire qu'ils ont l'instinct quand même de le faire, s'ils sont pas dans l'eau et tout. Ouais. Mais c'est marrant. Il y a apparemment qui s'appelle Luc Besson. Vous connaissez? Ouais, il fait ça aussi. Un mec. Apparemment, quand il était petit, son père il avait un lion. Ah bon? On l'a pris. Je vous jure que c'est pas moi qui le dis, c'est ça, c'est lui. Cette anecdote est vraie, McFly. Il avait apparemment un père à son. Un pote à son père avait prêté un lion pour qu'il garde 2 semaines. Terrible ça. Rue boulevard Sébastopol. Ah mais à Paris. À Paris. Non, mais qui prête un lion? A un lion déjà et qui le prête? Il dit qu'il le sortait au square devant le lion. Les gens avaient peur. Oui. Ça a l'air faux. Je pense qu'il habitait. Il habitait gare de Lyon et ça a été déformé. Ah oui. Bah d'accord. À Dubaï, gare de Lyon et c'est devenu. Il garde un lion. Quoi. Putain, il a réussi à faire un jeu de mots. Je l'ai pas vu arriver. Mais surtout, comment tu demandes à un pote? Excuse-moi. J'ai 2 semaines dehors, tu peux garder mon lion. Et qui dit bien non. Sûr, j'ai un gosse. Pas de problème. De 8 ans. Tu fais pile la taille d'un impala. Vas-y, quoi. T'as dit bébé, peut-être c'était un bébé lion. Oui, t'as peut-être. Tu ressemblais beaucoup à un chat, un gros chat, peut-être. Ah, bébé lion, ok, question de éthique. Moi, j'ai fait il y a longtemps. Genre bébé jaguar. Wow. Je m'en battais les couilles de l'écho, j'étais pas un mec sensible à l'époque, donc je me suis pas posé la question. Je trouvais ça trop mignon. Aujourd'hui, j'ai y a étranglé un lion de mes mains. Non, il dit. Wow. Je viens d'avoir un bébé lion, est-ce que tu veux venir lui faire des câlins? Tu dis non parce que c'est pas bien, tu dois pas avoir, c'est un animal sauvage et tout. Tu dis nique sa mère, je vais voir Simba, je vais lui faire un câlin. Je crois que j'y vais pas. Okay. Après c'est aussi je m'en Simba fous. Trop, il fait vraiment des, il est tout, tu fais des petits gros je peux y aller avec ma fille genre et elle peut voir ça, pas mal. Bah. Non, moi je crois pas. En fait, je sais pas. En fait, moi j'ai déjà. Il est la porte d'à côté. Parce que ça lui a coûté une blinde à Pierre hein, pour faire ça. Donc, si tu pouvais dire que t'aimes bien quand même. Non, mais je sais pas. Moi j'y vais direct. Au moins pour dire, bon bah. Non, mais tu sais, il y a un truc sur France 4. Photo quoi. Il y a un truc sur France 4 où c'est un zoo. Enfin, c'est pas vraiment un zoo d'ailleurs. Enfin, si, mais ils disent plus zoo. C'est un truc où c'est des animaux, ils en prennent soin et machin. Bah ça fait un peu envie quand même parce que tu vois quand même des gens passionnés d'animaux qui en prennent soin et machin et qui ont des questionnements de on est obligé de les faire ken entre eux pour que l'espèce continue d'exister machin et c'est tout ce qu'on fait un peu tous essayer de justifier qu'on veut continuer à faire des trucs normalement faudrait pas mais on dit mais vu que du coup ça sauvegarde hop bonne c'est conscience ça. C'est ce que disent les chasseurs aussi quoi, on régule la population S'il y a des gens qui vont dans les zoos, je sais pas, je pense qu'on dit sûrement un peu de la merde, mais ça fait un petit peu envie. Tu dis, bon, ça a l'air d'être dans un truc de vétérinaire. Je le ferai jamais parce qu'en plus, j'ai pas là, je m'en fous. Mais il y a un truc où tu te dis, bon, bah oui, dans ce cadre-là, pourquoi pas, peut-être, tu vois. Mon oncle aussi avait un lion, je viens de me rappeler. Mais ça, c'est un truc normalement qu'on dit rapidement comme anecdote. Ça. Quand j'étais chez mon oncle, il y avait une photo de lui avec un lion dans son appartement. À Paris? On est en banlieue. Il avait, à la Courneuve, il avait une photo de lui avec un lion. J'ai trouvé toujours cette photo folle, tu vois. Je n'en ai jamais parlé. Mais non, mais moi j'ai connu, parce que là on parle de. C'est vous dire à quel point la société évolue vite. Quand j'ai commencé dans le showbiz, et je dirais pas les noms, sur Facebook, des gens qu'on connaît, qui étaient allés, je sais plus quel pays faisait ça, avec la photo à côté du tigre à moitié endormi en là. Thaïlande, bien sûr, en Thaïlande. C'est ça. Existe encore. Mais c'était. Oui, mais maintenant les gens savent un peu que c'est de la merde. Moi j'avais fait. Presque ça quoi. Ouais. C'était pas. T'es allé sur l'éléphant, c'est ça? Moi j'ai fait l'éléphant. Ouais. Je savais pas à l'époque, j'étais trop content. Ça va vite. Bah d'ailleurs, disons-le quoi, c'est juste les animaux dans ces contextes-là, ils se font juste tabasser toute la journée pour être dociles et voilà quoi. Drogués non aussi, non. Bah les tigres, il paraît que ils sont drogués, et les éléphants, ils se font, mais de toute façon, un animal sauvage qui a un comportement pas naturel, c'est quasiment certain qu'il s'est fait tabasser. Tu sais, les vidéos, il y a un éléphant qui peint, je sais pas si vous avez vu ce truc. Tout le monde dit oh, putain, c'est fou. Bah non, il s'est juste fait tabasser. Mais moi, j'ai même le cerveau qui est matrixé par ça. Parce que moi, dès que je vois un animal faire un truc, c'est genre oh, le chien il marche sur ses deux pattes arrière. Pour moi, c'est genre bah, ils lui ont cassé les deux pattes avant. En fait, il y a rien où je trouve mignon. Oui, mais t'as raison. Mais c'est pareil, j'ai vu une vidéo d'un truc, il a des millions d'abonnés, c'est deux golden. Hyper mignon, Emma et truc, et il dit à son chien, fais un câlin à l'autre chien. Tout le monde en mode, oh, c'est trop mignon. C'est effrayant. T'as pas envie d'être effrayant. Après, les chiens, tu peux leur apprendre des trucs par la récompense. Ah ouais, je crois qu'il lui dit, il sourit, vraiment, le chien, il fait comme ça. Ouais, quand il sourit ou les trucs comme ça, je sais pas. Si, si, tu peux. Ils ont une relation apprends-le à ton chien, ce qui fait la gueule. Non, mais après, moi, il y a un côté, moi, je trouve c'est important d'apprendre des trucs aux chiens pour leur sécurité, tu vois, genre pas bouger, machin, revient. Après, quand ça devient trop des tours de magie, il y a un côté genre laisse-le tranquille, ton chien. Ça veut dire que même si tu le maltraites pas, tu lui casses les couilles toute la journée à lui apprendre des tours. Et après, il y en a qui, j'y connais que d'un long chien, mais il y en a qui disent que justement, le chien, il y a un système de. Ça lui fait plaisir de savoir faire un truc pour son maître, mais j'y connais rien. Non, mais c'est vrai, les chiens, ils sont contents de te faire plaisir en gros. Mais comme t'as dit, il y a des ordres qui servent à rien quoi. Mets-toi entre mes jambes, fais un 8. Moi c'était fait souris. Le mort. J'ai jamais compris le fait le mort. On s'en branle. J'ai un pote qui a un husky, il lui fait pan. Le truc il tombe. Alors c'est un peu rigolo, mais c'est vrai que ça sert à rien. Je trouve ça même pas si impressionnant. Genre, il se prépare pour un casting. C'est assez impressionnant la première fois. Après on est à Poitiers, on a du temps. Mais c'est. En vrai c'est marrant. Alors que moi en Bourgogne c'était. Non, lâche le gosse. Lâche le bras de l'enfant. Toi il tirait vraiment sur les chiens toi. Il regarde, pas, t'as vu, il est mort. Horrible, non? Ah mince. Ah, je vais pas niquer l'ambiance, mais j'ai vu des trucs quand j'étais petit. Moi il y avait un chasseur, le grand. Quand il y avait des portées, on gardait pas les animaux. Genre les chats, ils faisaient des bébés, c'était la folie. Bah oui. Il y avait pas un petit post Facebook en disant il y a des chatons, qui en veut. Genre non, 5 minutes c'était réglé. Donc on a des traumas quand même. Vous allez les prendre vite parce qu'ils sont dans la rivière. Il va se dépêcher. Un DJ s'est vu bénéficiaire d'une. C'est moi? C'est pas toi. Oh, okay. DJ. D'ailleurs, on peut dire t'as un DJ set à la salle Playel. Ouais. T'es DJ moi, toi aussi? Non, j'ai fait un DJ set dans ma avec vie. Avec Gigi Pop? Okay. Non, c'est Étienne Lautrette qui m'avait donné cette occasion. Par contre, on peut le dire à la salle Playel, vous pourrez prendre des photos avec Francky dans un petit stand, il sera endormi. Vous pourrez prendre des photos. Elle sera endormie. Oui, pardon. C'est ton chien? Je mets genre le chien d'Adrien, il me corrige tout le temps. Non. Bah, t'as qu'à. C'est une chienne, t'as qu'à t'intéresser à ma vie. Toutes les semaines, je m'intéresse à ta vie, je te pose plein de questions. Ton fils, Johan. Bon, moi je m'en fous, tu t'es trompé, c'est pas grave. Plus jamais tu fais ça. Donc, un DJ s'est vu attribuer une publicité assez surprenante depuis quelques semaines. À votre avis, pourquoi? Attends. Ah, une publicité genre. Pas prévu. On parle de lui de façon. Pour en une mal. Raison surprenante, quoi. Pas en mal. En bien. Il a le nom pas du non pape. Plus en bien. Il a le nom du pape. Oh là, la vitesse, oui. Parce qu'il s'appelle. Je savais. Et ça me fait plaisir. En vrai, non. Léon 14. DJ Léon 14. Putain, tu te rends compte le coup de promo de ouf. Ah ouais. Après, tu le googlises, je pense que t'as 2-3 pages sur le pape avant toi, quoi, quand même. D'ailleurs. Mais bon, DJ 7, Léon 14. Ouais. Moi, je veux juste dire au pape, son nom, il l'a un peu copié sur Louis 14. Moi, c'est tout ce que je veux dire. C'est copié, voilà. Gars, Léon 14, t'as copié, voilà. C'est tout. Mais alors, je sais pas. À un moment, en faisant la news, je me suis demandé si c'était. Est-ce que le DJ s'appelle Léon 14 ou est-ce qu'il s'appelle Xiv? Parce qu'en fait, ça se trouve, il s'appelle Xiv. Ah oui, vu que c'est en vrai, peut-être que il est. Parce que Xiv, c'est un nom plus un nom de DJ, je vous dis. Xav aussi. Xav à la limite. Non mais Xav, c'est dégueulasse. Non mais pour le coup, lui, c'est peut-être un jeu de mots avec Louis XIV. Le DJ. Ah, il s'appelle Léon. Tu vois, il s'appellerait Léon. Non, il s'appelle Léon Xiv ou Léon 14, mais je sais pas si. Justement, je dis, c'est plausible qu'il ait pris le 14 en chiffre romain. Oui, le DJ. Ah ouais. Parce que blague avec Louis XIV, il s'appelle Léon, il s'est dit bah Léon XIV, je sais pas. Les DJ sont fans d'histoire de France. Hein, ouais, après il y a à boire et à manger. Hein. Et Louis XIV, c'est quand même le, c'est pas le oui, truc le plus niche dans l'histoire. Faut quand même avoir une sacrée culture. Je suis féru d'histoire, moi j'adore ça. Louis tu connais Louis XIV? C'est assez niche. Hein. C'est assez niche. Mais tu connais... attention, moi j'ai lu des bouquins. C'est, voilà, c'est autre chose. Donc en choisissant le nom de Léon Xiv ou Léon XIV. J'aime bien que tu veuilles que ce soit Xiv alors que vraiment personne n'a été convaincu. C'est sûr que c'est Léon XIV. En choisissant le nom de Léon XIV, donc en plus là je parle du pape, Robin Francis Prévost a voulu rendre hommage à Léon XIII, lui c'est ce qu'il dit, dont le Pontificat. Ah. Parce qu'en fait, souvent donc il a vraiment dit le mec. Donc non, il a vraiment, il a dit. Le pape. Ok, pardon. À Léon XIII, dont le Pontificat à la fin du 19e siècle a été marqué par un engagement en faveur de la justice sociale. Bref, ce choix est aussi un coup de projecteur bien involontaire sur un DJ au succès jusqu'ici confidentiel, rapporte RTL. Ce Léon XIV là ne compte que 300 abonnés sur Spotify. Il se produit le plus souvent dans le cadre de petits festivals. Son nom se trouve désormais une aura planétaire. Mais cela suffira-t-il à faire décoller sa carrière, sachant que malheureusement pour lui, son Insta a sauté du coup, parce que Meta part du principe que c'est pas lui. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait c'est pas du tout une bonne pub, quoi. Parce que déjà, bon, là il y a un petit buzz, mais dans un mois tout le monde va dire ah tu t'appelles comme le pape. Bah non, non, de toute façon il est à 300. Enfin, c'est gars qui met les démons de minuit en mariage. C'est pas méchant. Ouais, c'est oui, pas méchant, mais du coup, son blaze, tout le monde va partir du principe qu'il l'a pris par rapport au pape. Oui, quoi. Moi, je serais lui, je changerais le blaze. Ouais. Moi, je pense que c'est quand même. Léon XV. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Bah, sinon, 12. Tu te fais pas chier que ça te bah, Benoît, Benoît, Benoît 16, hein, sinon, Benoît XVI, c'est bon. C'est libre. C'est vrai, ouais, c'est relibre. Il y a un voleur qui avait sévi à Pau. Récemment, il a recommencé. Ah. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il vole ? Tu sais que moi j'étais DJ avant, d'ailleurs. Ah, ou pardon, bah alors attendez. Désolé, je me suis permis d'entrer. Ah, mais t'as bien raison. C'est magnifique le. Attends, sans branle ta question. Mais c'est rare d'avoir un DJ autour de la table. Non, mais parce que justement, j'avais ces problèmes de prénom. Parce que moi je m'appelle Adèle et tout le monde m'appelait Abdel en fait. Ouais. Je passais pour un DJ funk, rail. Ah oui, DJ Abdel, oui. DJ Abdel, quoi. Déjà, alors que pas du tout, quoi. Voilà. Et tu mixais quoi, du coup? Je mixais beaucoup de musique un peu hip-hop, un peu house, un peu genre Avicii et tout. Mais avec un peu de compo ou pas du tout? Un peu de compas. Non, mais tu fais de la composition. Parce que pour les gens, tu as une page Spotify, toi, pour le coup. C'est vrai, qui n'est pas à 300 abonnés. Elle est à combien? Je sais pas, mais j'ai regardé, c'était pas mal. Ouais. Avec de la musique? Ouais, mais je fais de la musique, moi. Mais est-ce que tu peux expliquer les musiques? Parce que c'est un peu lié à ton spectacle. Oui, c'est très absurde. C'est des musiques sur la clim. sur les trottinettes, les bubble tea, ouais, la Guadeloupe. Je suis vraiment en perte totale de. Ah oui. En déficit. C'est moi, je voyais tes vidéos au début. Faut dire, moi, à Adèle, avant de le voir physiquement, je croyais que c'était un même internet permanent où il avait des vidéos où il dansait sur des arcs-en-ciel et tout avec de la musique un peu techno. Oui, il y avait beaucoup de montage. Tu vas te calmer quand même. Non, mais c'était ouf, mais je savais pas que t'étais un vrai humain. Et après, je t'ai vu et je me dis putain, c'est un gars de. Bah ouais, je faisais ça pour rigoler, quoi. Bah ouais, mais ça me faisait rien, moi. Des petits morceaux. Effectivement, tu as 242 auditeurs mensuels, mais tu es un artiste vérifié de Spotify. Ouais, et effectivement, ton plus gros tube s'appelle Les Pattes. Ouais, 1000 vues. 3850. Oh, non, ça cartonne. Écoute, bah allez faire grimper les stats. Là. Surtout qu'il y a t'as une belle photo de profil sur Spotify. T'as la pochette en bang bang. C'est une cover que j'ai faite. Stylé. En plus, maintenant sur Spotify, tu touches pas d'argent si t'as moins de 10 000 écoutes, je crois. Donc, il va falloir. Faites toucher de l'argent. Les gens y aillent là pour que. Je peux pas tout faire moi-même, quoi. Voilà. Depuis le début, y a que moi qui m'écoute. Ton chèque de 10 euros, il va falloir le gagner. Faites-lui gagner. Donc, oui, ce voleur qui avait sévi à Pau, il a recommencé, mais à votre avis, qu'a-t-il volé? Des œuvres d'art? Pas des œuvres d'art. Un truc à François Bayrou? Non, Adrien. Pas l'orange du marchand, puisque ça, il s'agit de Michal. Eh oui. Non, c'est pas lui, Michal. Des trucs genre les pneus, genre les trucs genre VLC, là, tu sais, les trucs de circulation. Ah, les plots. Non, mais c'est un rapport avec la ville de Pau. Rien à voir avec la ville de Pau. Mais non, c'est pas des plots de ça. Mais ça, c'est. Donc, c'est un vrai truc. Moi, ça, j'en ai volé quand j'étais ado. Ah ouais? Pas toi? Jamais. Ok. Mais non, mais c'est des trucs de chantier. Non, bah alors, chez mes potes, mais pas chez moi. Mais c'est le cliché du truc que tu. Pour faire le délireur, quoi. Ouais. Parce que c'est facile à voler. Tu cries dedans et tout. Ouais, tu voles la plaque d'une ville. Quoi. Ouais, alors nous c'était effectivement un truc de chantier. Le sac d'une vieille, ouais, bien sûr. Fou, quoi. Avec sa main et tout. Avec ce truc de groupe de mecs qui se retrouvent au même endroit, aussi ne pas jeter les bières. Et donc il y avait ce qu'ils appelaient le cimetière, et donc tu gardais toutes les bouteilles vides de bière. Oh, c'était gogol. Franchement, ça. Donc on connaissait peut-être pas Louis XIV, Adrien, mais on savait vivre. On passait du bon temps, on savait jouer au caps. Oh, le caps, ça va te dégoûter. Alors attends, c'est un gars, C'est là, on a arrêté l'enquête. Un voleur à peau. Il a déjà fait. Alors en fait, c'est oui, et on n'a jamais su qui c'était, à la manière du tueur du Zodiac. Et là, il a recommencé, il a refait un vol. Paillassons. Il ne vole pas des paillassons. Mais on est sur un truc un peu. Pourquoi tu fais ça? Attends, est-ce qu'il vole plusieurs trucs ou il a volé un truc emblématique et il l'a revolé? Ah non, il vole un truc spécifique. Ok. C'est pas genre il a volé une statue, ils ont remplacé la statue, il l'a revolé. Pas des fleurs. Des niches de chiens. Pas des niches de chiens. Et c'est des trucs que. Qu'il y a devant les maisons? Ouais, ce que je. Alors non, mais c'est un truc de devanture. Ça a de la valeur? Les sonnettes? Hein? Les sonnettes? Non, pas les sonnettes. Des rideaux électriques? Pas les rideaux électriques. Attends, de devanture de magasin? Oui. Ah! Open! Non, pas oui, open. Si, c'était bien ça! Ouais, vous aviez même. Est-ce que c'est. Tu peux le voler depuis l'extérieur du magasin? Oui. Ok. Rideau, bah non, pas rideau. Mais c'est pas facile à voler. Alors là. Facile à voler. Le A, il vole les trucs tabac là? Non. Les trucs métalliques, ah, oui, c'est bien ça là. Les trucs de barbier qui tournent? Non. C'est une boutique en particulier? Non. Ça peut être en fait c'est des boutiques comme des coiffeurs, comme là par exemple quand il l'a fait, c'était. L'enseigne Bulle, un magasin de lingerie. Donc ça peut être tout et n'importe Est-ce quoi. Est-ce qu'il vole juste certaines lettres? C'est oui. Une très bonne réponse. Ah, il vole des lettres. Il vole la lettre U. Et personne ne sait pourquoi. Le voleur de U aurait à nouveau sévi cette semaine à Pau. Le U d'une enseigne de lingerie, donc Bulle, donc qui s'appelle maintenant Bleu. Mais le gars, quand il a vu les supermarchés U, il a dû péter un câble, quoi. C'est bah, vous pouvez aller chercher un planque permanente devant. Il fait un jour, tu seras mienne. C'est Cristiano Ronaldo. Il a volé que un S, il fait des U après. Un nouveau commerce de centre-ville a donc été victime de ce voleur. Dans la nuit entre le 15 et le 16 avril, une dispersion de lettres rapidement assimilée à un vol. Des lettres U manquantes, il y en a pas plusieurs depuis au moins 3 ans sur les enseignes de centre-ville en raison de ce que les commerçants identifient comme des vols, mais sans jamais que le ou les auteurs ne soient retrouvés. Parce que ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un voleur qu'on a volé deux, puis d'un coup. Il y a des copycats. Ils l'ont copycat. ils l'ont toujours pas attrapé. Et ça, c'est dans le journal? Ouais, c'est dans. Tu vois, la France, ça va encore. Ouais, il y a encore des actus. Il y a encore du. Il y a encore besoin de remplir le journal avec de l'actu de merde. C'est pas encore tous les jours des drames. De après, c'est côtés. Pas dans le monde, hein. Ouais, je sais. Mais d'ailleurs, tu mets le doigt sur des fois ce qui rend un peu compliqué le flotteur. C'est que moi, je cherche des actus un peu marrantes. Mais tu sais, t'as toujours à droite les actus du moment importantes. Et t'as moi qui me protège un peu des infos. Tu prends et des trucs dans la tronche. Ah ouais. Mon dieu, il y a un missile. Ouais, vraiment, alors toi, t'es là, genre, alors, qui a chié le plus cette année? Donc, oui, la rue du Maréchal Joffre est équipée pourtant d'un système de vidéosurveillance avec des caméras non loin de ce commerce qui pourrait permettre d'identifier le ou les auteurs du vol. Une plainte similaire avait déjà été déposée il y a plusieurs mois par un autre commerce du centre-ville, mais voilà, pareil, l'enquête n'avait pas abouti. Magnifique. Donc voilà, on ne sait toujours pas qui a volé la lettre U. Genre d'Arsène Lupin, quoi. Ouais, c'est ça, bah c'est ça. Arsène Lupin. Lupin. Ah, je suis pas très fort, Arsène Lupin, du coup. Ah, oui. Il a levé son doigt quand même. Il a levé son index en disant, hey, pourquoi pas. J'en ai un dernier que je partage avec vous. Regarde-nous. Dans la région Grand Est, un homme a mis le feu. On sent à tonton que tu crois pas. Si, il est pas si mal. Okay, non, vraiment, il est pas si mal. Mais il est bizarre. Mais il est pas si mal. Dans la région Grand Est, un homme. C'est quand je parle de la région Grand Est, j'ai rarement toi, un grand ça. Sourire. C'est non, moi, c'est Bourgogne. Ah oui, pardon. C'est plus central. Un homme a mis le feu à un hôtel, à votre avis, pour quelle raison? Question d'assurance. Pas de chauffage. Non. Question c'est par accident ou c'est volontaire? Non, volontaire. Volontaire. On parle d'un. Une vengeance? Pyromane. C'est une vengeance. Ok. Il faut trouver la raison du pourquoi de la vengeance. Les toilettes étaient bouchées, il s'est vengé. Non. C'est un client de l'hôtel? On a fait le tour de la merde. Ok. C'est ce que je peux vous dire. C'est un client de l'hôtel? Alors en tout cas, il comptait faire quelque chose avec. Je sais pas s'il est client de l'hôtel, mais il est. Il devait l'hôtel... accompagner des gens qui étaient clients de l'hôtel. En tout cas, ça devait avoir lieu dans une chambre d'hôtel. L'hôtel lui a refusé quelque chose, du coup. Ce n'est pas l'hôtel qui a refusé quelque chose. Mais on lui a refusé quelque chose, en tout cas. Ah, il devait aller avec des gens dans l'hôtel. Bah, il y a une, ouais. Y a une fille qui a pas voulu coucher avec lui. Il a dit bon, comme ça, je fais brûler l'hôtel. Alors plus précisément, il devait aller partouzer dans l'hôtel. Il devait partouzer. On lui a refusé un plan à trois. Et là, donc, je pense qu'on peut pas faire plus masculinité toxique que cette année. Pas de plan à trois, je fous le feu à l'hôtel. Allez, il y a peut-être des étapes. Laisse-moi te raconter l'histoire pour te montrer qu'on peut faire plus masculinité toxique. La première étape est se branler. Et après, normalement, tu mets pas le feu à l'hôtel, hein, vraiment. C'est vrai vraiment. Que ça réglerait beaucoup de choses. C'est ce que lui a dit le juge. Mais pourquoi vous n'êtes pas branlé? J'y ai pas pensé. T'as des allumettes. Il était environ 3h du matin lorsqu'un incendie se déclare dans le hall de l'hôtel, d'un hôtel qui s'intitule La Pomme d'Or. Le propriétaire de l'hôtel, accompagné par d'autres personnes, parvient à maîtriser le feu grâce à des extincteurs. Les 11 clients qui étaient se sont réfugiés. Donc il n'y a pas eu de, pas eu de mort. La catastrophe a été évitée de peu. Les 11 clients C'est un petit hôtel. Petite soirée, ouais. Là où l'histoire est sympa, c'est un tiers des clients faisait un plan à 3 dans. Alors dans l'après-midi, l'homme est invité par son frère et son ex-compagne à se rendre à l'hôtel de la Pomme d'Or. Et oui. Ah, c'est avec son frère qu'ils avaient fait un plan à 3. Et son ex-compagne. Oh. Afin d'avoir des relations. L'ex-compagne de son frère ou de lui? Franchement, on sait pas. C'est écrit d'une façon où je te laisse choisir. Il n'y a pas une version qui va de toute façon. Donc, C'est ce que j'allais te dire. Arrivé sur place, il se voit finalement refuser l'accès à la chambre par les deux autres protagonistes et repart énervé. Il décide de passer la soirée chez une ex-compagne à lui. Donc l'ex-compagne était peut-être l'ex-compagne de son frère. Hein? Attends, j'ai lâché. Avec le frère, ils ont rien fait du coup. Non. Le frère et l'ex-compagne ont dit non, tu pars. On ne peut pas faire de plan à 3 avec toi. Okay. Quand même mon frère. Lui, il rend. Ce qui vraiment, ils auraient dû. Dès le début, régler mais ça. Mais genre, c'était le plan. Oui, pas c'est bizarre, c'est que c'était prévu et ils ont dit ah non, t'es en fait, t'es et pas au là. Au dernier moment, ils se sont dit waouh, je viens d'avoir une révélation. C'est chelou de baiser avec son frère. on mange chez papa-maman demain. C'est. Non, pas ouf. Pas ouf. Vers 3h du matin, il revient à l'hôtel. Non mais attends, du coup il est allé chez une ex-compagne. Chez une ex à lui. Donc potentiellement lui il y va et il s'alcoolise en fait. C'est pour ça qu'il raconte le fait de il commence à boire beaucoup. Et vers 3h du matin, il revient à l'hôtel, enflamme un bout de tissu avec son briquet et le dépose sur un canapé puis repart. À l'audience, malgré sa reconnaissance des faits, l'homme apparaît assez fermé. Il tente d'expliquer son geste. Je voulais que mon ex-compagne et mon frère sortent de l'hôtel. Ah, donc c'est son ex-compagne à lui. Ah oui, c'est ça. Donc son frère. Oh là là, ouais, c'est donc. Elle est vachement bien, c'est French Short. Non, mais là, du coup. Du coup, je comprends qu'il ait mis le feu à l'hôtel. Cette version-là. En fait, c'est qu'il est en mode vengeance. Est-ce qu'on présenterait pas nos excuses à ce monsieur? Pardon. Attends, la logique, elle est folle. Non, mais donc ça veut dire que oui, il y avait son frère, il était en train de ken avec son ex à lui. Voilà, donc alors il tente. Ça ne justifie pas de mettre le feu à l'hôtel. Non, pas du tout. Il y a peu de choses qui justifient. Je voulais que mon ex. Je comprends le seum. Ouais, au moins. Après les conséquences, je. Non. Non, bah non. Je voulais que mon ex-compagne et mon frère sortent de l'hôtel. Je ne savais pas qu'il y avait des gens à l'intérieur. Donc là, la juge répond, mais c'est un hôtel. Oui, pas mal. Je pourrais être juge. Je pourrais être juge parce que c'est vraiment ce que j'aurais dit. Donc il y a potentiellement du monde. Et je croyais qu'avec deux personnes, avec l'alcool, j'y ai pas pensé, a-t-il répondu. Lorsque la présidente évoque le ressenti des victimes qui ont eu peur de l'incendie, parce que quand même, enfin voilà, il déclare, je ne peux rien faire, voulez-vous vous excuser peut-être? Et là, il a répondu, ça ne servirait à rien. Donc voilà, on sent qu'il est bien. Il a pas d'avocat, je pense. Non, reconnu coupable, c'est. Ou alors l'avocat lui faisait vraiment des grands signes, genre, excuse-toi! Juste pardon! Pauvre con! Mais il y a des gens, ils peuvent pas. Tu sais, genre. Ouais. Désolé, c'est donc, trop dur, quoi. Et il a été donc, condamné à 50 prisons. Masculinité toxique, encore une fois, quoi. Mec, t'as mis feu le tu excuses? Non. Et la juge lui a refusé un plan à 3. Donc en plus, il était dans un niveau de colère. Il a été condamné à 5 ans de prison ainsi qu'à la révocation de son sursis probatoire, amenant la durée de l'incarcération à 6 ans. Et il s'est caché dans les chiottes pendant 14 heures. Attends, révocation, c'est qu'il avait déjà un sursis, le gars? Je sais pas. Moi je te lance des infos pêle-mêle, après tu te débrouilles. Je serais pas surpris. Qu'il est déjà. Peut-être c'était pas son premier coup. Il a l'air sympathique. Il a l'air nerveux, quoi. Voilà. Un minima tatillon. Ouais, voilà, c'est ça. Sous-polet et le terme. Chers amis, ça fait 1h30 qu'on parle. On va passer aux recommandations culturelles. Alors, si vous avez aimé quelque chose récemment, ça peut être film, télé. Oui, mais c'est peu importe. En fait, il n'y a pas besoin que ce soit un truc récent. C'est juste un truc que vous avez aimé récemment, un truc que vous avez vu. Vous avez dit, ça c'était cool. Peu importe ce que c'est, dans quelle catégorie ça peut se trouver socioculturel. Adrien, j'ai envie de commencer avec toi. Sauf si tu me dis j'entends. Et là, je commencerai avec quelqu'un d'autre. Écoute. Je t'écoute. Écoute-moi. Hein. Écoute, c'est la redoute. Exactement. Ah oui. Non, si, allez. Non, mais j'ai plusieurs trucs, j'hésite. Je suis tombé récemment, justement, en écoutant. Mal, t'as pas fait mal. Comment? Oh, il est con. T'es bête ou quoi? Ad. t'es mortel, Adèle. Je l'avais préparé à l'avance, celle-là. Je l'avais à l'avance. C'est vrai. T'as failli partir sans l'avoir fait et t'es content. Là, je me suis dit, est-ce que j'ose? Parce que ça doit pas être la première fois qu'on te l'a fait. Si. Oh, trop beau. J'ai très peu d'amis. Ok. Mais surtout, j'ai l'impression que t'as le titre du prochain spectacle. Et moi aussi, puisque je prépare des blagues à l'avance. Ouais, parce que faire des jeux de mots, c'est quelque chose. préparé des jeux de mots. Je l'ai pas préparé. J'y ai pensé à l'avance. Les avoir déposés à la SACEM avant de venir. Et c'est comme ça que je me paierai ma maison de campagne, moi. Non, j'ai pas dit ah, faut que je trouve des jeux de mots. Mais j'ai eu l'idée et je me suis dit. Bon, si je me sens pas trop comme un ringard en le disant, je le ferai. Bah, comme il est friand. Ça. Ouais, ouais, bah, merci Aurélien. Je pense que ça m'a. Aurélien, t'as dit. Aurélien, je crois, c'est un jeu de mots. Non, mais c'est un jeu de mots, je crois. Le jeu de mots, c'est de dire Aurélien. C'est beau, ça. Si près du but, si près du but, Abdel. Terrible. Et tout se reboucle. C'est une caméra cachée. Joli, joli. Et oui, regarde, tu j'enlève la fesse depuis le début. Il a remixé mon prénom, le DJ. Alors, DJ. Allez, donc. J'ai acheté un stylo de colère. Ouais, j'en peux plus là. Non, mais ça y est, la gêne de mon prénom a été mal prononcée et évacuée. On peut passer à la suite. Aurélien. Revenons tout de suite. Ce serait trop con de revenir dessus. Ouais. Désolé. Alors, Aurélien. Non, il n'y a aucun problème. Attends, c'est pas pire que. Que t'es venu. Pas pire que t'es venu. Pire t'es venu. Il t'a chopé. Il t'a chopé. Je lâcherai pas. Non, à l'avant-première de Nul et le Roi où on présente le film et ils ont dit Aurélien pour m'annoncer. Oh les chiens. Ah, t'as réveillé un traumatisme là. Non, il y a aucun problème. D'ailleurs, super film. Merci Adam. Voilà, tu sais que je l'ai pas vu. Je voulais le voir et je l'ai pas vu parce que t'as peur d'être gêné si t'aimes pas. Non, je te dis la vérité, je voulais le regarder légalement et pour l'instant je l'ai pas trouvé légalement. Il est sur ma canal. Donc j'attends qu'il bascule sur des plateformes. Franchement, mate-le légalement, c'est pas grave, il a plutôt bien marché. Il m'a mis un peu mal hein, le film. Il met un peu mal. Ouais, je pensais pas. Il y a une petite surprise. Ouais. Il y avait pas de jeu de mots, t'étais pas bien. Non, on avait pas. Bah moi mon passage de un peu des jeux de mots. Si oui. Il y a quelques jeux de mots. Il y avait peut-être des petits trucs. Oh, il y en a pour tout le monde, c'est pour tous les goûts. Bon, merde, une chaîne YouTube. Je suis tombé dessus, j'écoutais le Mousecast. Ils avaient regardé une vidéo d'un gars sur Planet Hollywood, la chaîne de restaurant Planet Hollywood, qui racontait un peu. Et c'est vrai que quand ils ont dit ça, je me suis dit, ah putain, mais Planet Hollywood, c'est vrai que c'est un truc, c'est dans ma mémoire. Mais ça existe plus, j'ai l'impression, et tu vois, il y a un truc. Ah oui, ça existe, mais en fait, je sais pas vraiment ce que c'est. Donc, par curiosité, je suis allé voir, et c'est sur la chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Arthur Genre, comme le genre. Ouais. Le genre, voilà. Arthur Genre. Et s'il avait lancé sa chaîne en 2004, il aurait dit Arthur fait genre. Il aurait utilisé son nom de famille pour faire un petit jeu c'est de mots. C'est vrai. Comme ça. C'est vrai. Et en gros, c'est vraiment comme des. Il fait que des documentaires comme ça sur des sujets. Alors, ce que j'ai capté dans un deuxième temps, c'est que lui, c'est un Français qui vit aux États-Unis, et tous ces mini documentaires parlent des États-Unis. Okay. Mais c'est pas que de la pop culture. Je sais, il en a fait un sur Planet Hollywood, il en a fait un sur MTV où il raconte la création de la chaîne, tout ce que ça a changé, et c'est vraiment hyper intéressant parce que. Enfin, moi, il y a des trucs que je savais pas, même sur MTV, que genre, il y a des artistes comme. En fait, le clip vidéo, c'était pas du. Au moment où MTV est sorti, c'était pas du tout un truc américain de faire des clips, mais c'était assez populaire en Angleterre déjà. Et du coup, MTV, alors que c'était une chaîne américaine, a passé beaucoup du coup, d'artistes anglais. Et il y a beaucoup de genre, je crois, si je dis pas de conneries, David Bowie. Qui a été vraiment sa carrière, elle a été vachement boostée. En tout cas, il est devenu international grâce à MTV parce que eux, ils avaient des clips et pas les Américains. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est très intéressant. Mais il fait aussi des trucs plus politiques sur. J'ai vu qu'il y a un truc que j'ai pas encore regardé sur le racisme anti-asiatique aux États-Unis. Enfin, il y a des trucs vraiment très politiques, mais il y a des trucs pop culture et tout. Et il y a un truc sur l'automobile aux États-Unis aussi, comment ça a transformé les villes aux États-Unis et tout. Et c'est des documentaires assez longs qui peuvent durer une heure, je crois, certains et tout. Tu bouffes combien d'heures par jour, toi, de podcast, vidéo, film, jeux vidéo, machin? Moi, c'est surtout le matin. Matin, en fait, j'aime bien moi me lever tôt. Bah, déjà, je me réveille tôt, quoi qu'il arrive. Mais j'aime bien me lever tôt. Par exemple, si je dois partir réunion, je sais que j'aime bien me lever bien en avance parce que j'aime bien le matin me poser devant. Et généralement, c'est YouTube le matin. Okay. Donc ça peut être une heure. Je peux mater une heure et demie de. Non, quatre. Une heure. Non, pas quatre. Non, une petite heure de YouTube le matin, c'est possible. Et après, un peu le soir. Un petit peu le midi si je suis à la maison. Voilà. Alors que moi, YouTube, pour moi, c'est déj. YouTube. C'est pause déj. Bah, ouais. Du coup, si je mange à la maison. Ouais, un petit ça accompagne aussi. Bien. Ouais. Bah ouais. Et vous ? Moi, YouTube, c'est le soir avant de dormir. Ok. Les vidéos de Seb qui durent une heure. Ouais, je vois. J'adore les vidéos comme ça, moi. Les histoires de Bruno Mars. Comme ça, je kiffe. Et bah, tiens, à voir Arthur Jean, du coup. Faut pas regarder les écrans. Avant de se coucher, faut pas regarder les écrans, machin. Toi, tu consommes pas trop YouTube, truc comme ça. YouTube, bien sûr que si. Non, mais moins. Non, mais là, je me suis remis un truc. Je me suis remis à regarder les matchs de basket. J'avais arrêté, et depuis qu'on rejoue au basket, je me suis remis parce que j'étais devenu un mec qui dit mais de toute façon on s'en fout, ça a pas d'importance, c'est que du divertissement. Et là j'ai réussi à re-kiffer comme un ouf de regarder la NBA, et donc là je regarde le basket le matin quand je me lève. Alors du coup j'ai une mini reco pour toi et pour les gens qui aiment le basket, parce que mais je sais plus, ma mémoire, on sait qu'elle elle part en vrille. On est plus à ça près. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais il y a un truc c'était une émission sur MTV qui s'appelait Rock and Jocks. Donc c'est vraiment dans les années 90, et il y a des, il y en a sur YouTube qui sont dispo, et en fait c'était des matchs de basket avec des célébrités et un peu vite fait des joueurs NBA de l'époque. Donc c'est des matchs de gala, quoi. Comme ce que t'as fait, toi. T'as pas fait un truc comme ça? Ouais, avec un immense talent d'ailleurs. C'est une catastrophe, une catastrophe. Mais là c'est des grosses rostas, quoi. Ok. Qui jouent. Et vraiment, c'est, si vous voulez, si quelqu'un vous dit c'était quoi les années 90, montrez-lui ça, quoi. Parce que c'est le truc le plus années 90 que j'ai vu de ma vie. Et en vrai, c'est un peu marrant. Tu vois Steve Urkel qui joue au basket contre Kurt Rambis de Lakers et tout. Et c'est assez marrant. Mais je te conseille de regarder ça. Allez, très bien. Top. Voilà. Adèle, moi déjà, j'aime bien la Formule 1. Ok. Voilà. Okay. Mais ma recommandation n'a aucun sens avec la ça. La Formule 1, première recours, la Formule 1. En truc culture, c'est vrai qu'on est pas trop, on est dans un truc culture. Peu importe, non mais sport, c'est très bien. Mais t'as dû kiffer du coup Formula 1 les... Ah, mais c'est ça qui m'a fait aimer. Ok, d'accord, comme beaucoup de gens. Très, vraiment, très fort. Et je l'assume. Hein. Et t'as un film en juin qui sort avec Brad Pitt aussi, je crois qu'il est très... ouais. Mais genre qui a l'air bien... Dans les bagnoles et tout. Ah ouais, c'est par le mec qui a fait Top Gun 2. Donc à mon avis ça va être très... Vroom vroom. Ah ouais, voilà. Ouais, ils ont fait un... C'est le titre du film. Vroom vroom la voiture, je crois, c'est le titre. Mais non, moi en vrai, si j'avais une reco, moi j'ai un ami à moi humoriste qui est super, qui s'appelle Félix Junier. Je sais pas si vous connaissez. Ah, il me dit quelque chose. Il fait des vidéos, il dit pratique. Tu es dyslexique. Ah oui, voilà. Pratique. Qui est un très bon ami à moi et qui a son spectacle qui joue là à la nouvelle scène et qui jouera à la rentrée à la Comédie de Paris, Félix Junier. Voilà. C'est vrai, il a fait une vidéo avec Léopold, j'ai vu. Exactement. Récemment. C'est vrai que moi je pense pas, parce que tu sais, je me dis, les gens avec qui je suis tout le temps dans l'humour, je me dis pas que ça vaut le coup de conseiller des copains, mais si je peux placer 2-3 copains aussi. Bien sûr, c'est tous les mercredis en tout cas, effectivement. Ouais, Félix Junier, Yazid Assoumani en spectacle, allez voir Yazid Assoumani. Je dis que ceux qui ont des spectacles, parce qu'il y en a plein qui sont très forts mais qui n'ont pas encore de spectacle. Bien, ouais. Ouais, allez voir Yazid. Allez voir moi, c'est bien. Mais sûr, allez voir Yazid. Et il y en a, j'en oublie là, du coup ils vont s'en branler, ils vont avoir la haine. J'étais à Lille il y a pas longtemps, Yazid. Tu avais des affiches partout, dis-toi. Eh ben, ça bombarde partout. Parce que ce n'est pas encore complet, sinon on ne met pas les affiches. Ah bon, bah, sinon, on s'épargne cette dépense. Tu sais quoi, je suis ravi de te le rappeler. Sinon on s'épargne cette dépense. Non, t'es dans une des plus belles salles du monde, de France en tout cas. J'adore. Sébastopol. Ah ouais, Sébastopol, elle est peut-être la plus belle, c'est la salle Poirel à Nancy. Je sais pas si tu l'as déjà. Ah non, je connais pas. C'est genre un vitrail art déco au plafond, c'est n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas fait le test. On n'a pas fait le grand test. Ouais. Fémina, c'est elle est dingue la salle. C'est beau aussi. C'est très beau aussi. C'est belle salle. Non, c'est cool. Donc, ta reco, c'était tes amis humoristes ou tu as d'autres choses en tête? Non, sinon, moi j'ai commis une erreur là. J'avais arrêté un peu les jeux vidéo, mais j'ai regardé la série Yellowstone. Ok. Que j'ai kiffé. Ok. Donc, j'ai installé Red Dead Redemption. Ah bah oui. Et donc, ça devient compliqué. Non, je crois que j'ai que le 1. Ok. Mais. Moi j'avais complètement arrêté, donc moi je suis toujours très surpris de on peut sortir du chemin, c'est chiant. Par les révolutions, quoi. Wow, les jeux vidéo incroyables. Et c'est vrai que c'est compliqué. J'essaie de faire croire à ma meuf que je gère. mais là, le jour elle est rentrée, j'ai mis pause, j'ai caché. Enfin, toi, comme moi, j'ai caché Madaron, la malle. T'as dit que t'étais allergique au pollen. Ouais. Je suis un peu. C'est con, je suis censé préparer le nouveau spectacle. Peut-être arrêter le stand-up. Peut-être le prochain spectacle beaucoup sur les cowboys, du coup. Peut-être un spectacle beaucoup de blagues sur les cowboys. J'ai 30 minutes là, donc il fera 32 minutes. Trop bien. Bon, et écoutez les gars, merci beaucoup, c'est trop cool. Merci pour l'invite. Donc vos spectacles respectifs, donc toi Adèle, tu joues à Paris jusqu'à début juillet en vérité. C'est ça, ouais, et en tournée un peu en France. Ah, t'as quand même quelqu'un, excuse-moi, je l'ai pas noté. Tu sais à peu près où Ouais. Vous allez sur le Linktree, pareil, le fameux Linktree. Montréal, bientôt. Ah, tu fais du Montréal, ça c'est stylé. Ouais. C'est stylé. Écoute, je n'ai encore pas eu la chance de voir ton spectacle, j'en entends que du très bon. Et c'est même c'est Anis qui est venu en parler d'ailleurs. Oui, aussi, très belle recommandation que moi fait Anis. Je le remercie énormément. Merci. Et je recommande Anis Rally. Anis Rally, bien sûr. Et je vous le recommande. Il n'y a pas encore son spectacle Anis. Quand il l'aura, ça va être vraiment super. Anis Rally, à ne pas confondre avec Anis Formule 1. Allez, on l'a eu le Pierre. On en a fait un petit. Putain. Elle a mis du temps à comprendre. Attends. Elle a mis du temps à venir. On fait du jeu. T'as compris. Je crois, malheureusement. C'est la première fois que je vois deux mecs faire des jeux de mots, trouver l'autre pas cool. Vous avez été méga. Non, lui ça. Non, moi j'avais juste pas compris. Pierre, t'es venu, c'est vraiment les, c'est vraiment les deux quarterbacks. Non. Mais pas du tout. T'es pas des nôtres là. Moi j'avais juste pas compris. Vous m'avez bouilli. Et pourquoi je suis mis dans ce sac? J'ai dit, j'ai pas compris. Après, moi je l'aime. J'apprécie la vanne. Pierre, pareil, ton spectacle, il y a tes dates. Tu finis la tournée du spectacle de maintenant. J'ai pas été bon de faire le jeu de mots de merde juste avant que tu parles de la dernière spectacle. C'était pas bien joué. Non, les gens resteront pas sur la dernière impression. T'inquiète pas. Bah après, c'est le public du Floodcast, donc. Mais du coup, ils seront peut-être déçus de ton spectacle. Ouais, c'est plus ça. Excusez-moi, ouais. Y a aucun jeu de mots. Aucun jeu de mots. Voilà, il y a quelques dates, je les ai dit au début. Vous allez taper Pierre Ternoux, Thévenoux, pardon, sur Google, parce que Ternoux, vous aurez pas grand chose. Mais t'es Adrien Arnoux, sinon. Bah, c'est vraiment un autre gars, mais allez-y. Ou Georges Pernoux, l'animateur de Thalassa, mais bon. RIP Georges. Ah oui. Non, Pierre Thévenoux, et puis donc Podcast. Et aussi que dans lequel tu... Non, si, c'est vraiment cool, on s'amuse bien avec les deux copains, bien Urbain sûr, avec Urbain et Franjo. Voilà, Adrien. C'est fini ton autre podcast ? Calme-toi, Bernard. C'est fini parce que les autres qui le faisaient, c'était des gens, Sabine et Valérie, qui ont un vrai travail. Un vrai travail, oui. C'était plus dur de trouver du temps. Bah, c'est compliqué de leur dire, venez, pose ton mercredi après-midi pour qu'on dise des conneries dans un micro. Et moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, je crois. C'était t'as via... eu plein de talent. Ben, mais c'était on parle podcast. J'oublie parce que mais j'écoute moi, c'est pas un podcast, c'est une émission de radio, mais dans lequel tu officies. Mais je sais pas si tu es un régulier dans les grands remplaçants. Exactement. Et oui, présenté par Jamel Lejeune sur Radio Nova. Exactement. Et donc voilà, vous pouvez aussi écouter Adèle qui a une chronique, on peut dire. Ouais, t'es là pendant toute l'émission, mais ouais. La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, évidemment. La vie comme un avis. Les jeux de mots jusqu'à la mort. Ah ouais, clair. On n'est jamais à l'abri, c'est un fléau. Et donc oui voilà, les grands remplaçants, ouais, avec Jamil Lejla qu'on adore, donc et voilà, sublime. Adrien, Ange et compagnie, toujours au cinéma. Ouais voilà, attends, donc... mais c'est un film où t'es acteur. Eh ouais. Ouais ouais, bah ouais ouais, on me voit, on m'aperçoit quoi. Toi t'es acteur. Si tu pouvais choisir un temps plein, c'est acteur. Ah non, c'est auteur. Auteur. Bah, c'est marrant, d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est. Je t'écoute en podcast. Souvent, ça, c'est une question que ça t'intéresse. Ouais. Les gens qui veulent être acteurs. Ouais. Je sais que quand t'as reçu Tranier, tu l'as demandé. Quand t'as reçu. À chaque fois, t'as un truc de. Parce que moi, ça m'intéresse pas du tout. Oui, parce que toi, t'es plus auteur. J'ai un rapport chelou à la notoriété. C'est-à-dire que je trouve ça cool. Mais c'est aussi un peu flippant et je trouve ça bizarre. Ouais. De vouloir être connu, mais j'en sais rien. C'est pour ça que j'aime bien demander aux gens. Je pense pas que tu veux être connu, tu veux faire un truc et malheureusement, et ça te rend connu quoi. Ça dépend, c'est ça. Il y a un truc où en fait, auteur non, mais quand t'es acteur, il y a un côté. Ton succès, il est indissociable de à quel point les gens vont connaître ta gueule. Ouais. Et donc, c'est un peu. Ou quand t'as un podcast, hein. Enfin, ça. Ouais, mais podcast. Trouve que c'est une notoriété qui est un petit peu confidentielle. On ne connaît pas notre gueule. On va pas rentrer dans les méandres du pourquoi du Floodcast machin. Mais moi, ça a en partie joué aussi. Ce truc de tu deviens connu pour qui tu es, c'est flippant. Moi, je préfère être connu pour ce que j'écris, pour ce que je réalise. Et c'est flippant. Tu vois, d'être. Tu vois, il y a un truc un peu qui est. Connu pour qui tu joues. Mais moi, je trouve ça le gars d'Harry Potter. C'est Draco Malfoy. Mais non, je m'appelle Patrick. Il se fait défoncer la gueule. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, le gars. Ouais, mais c'est horrible. C'est pas Patrick. Il s'appelle pas Patrick. Patrick Douglas. Bref, on aurait presque pu avoir un sujet intéressant, mais on a trop parlé de merde. C'est dommage. C'est super intéressant, ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, mais caca, putain. Quand même. Bon, allez, salut tout le monde. Salut, merci beaucoup. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.